dont le titre ce soir, comme disait François, c'est les réalités invisibles. C'est vrai qu'on a parlé quelque chose, mais je suis sûr qu'on va avoir du nouveau stock à soir. Les réalités, Daniel, invisibles, est-ce qu'ils doivent. Est-ce que toutes les réalités invisibles ont comme mandat un jour de devenir visibles, premièrement? Bon, disons que premièrement, j'aimerais ça. C'est évident que les réalités invisibles, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses, il y a des choses qui existent que l'homme ne connaît pas, qui sont invisibles à l'homme. Et la question que tu poses, c'est une question qui se répond par elle-même, étant donné qu'on ne pourrait même pas parler d'une réalité invisible si à un moment donné, l'invisible réalité ne peut pas faire autrement que devenir visible. Sinon, comment ça se fait que certains peuvent en parler? Et pourquoi en parler si jamais le monde va pouvoir y toucher? Ça ne servirait absolument à rien. La grosse question, c'est pourquoi y a-t-il des réalités invisibles? C'est-à-dire que pourquoi le chien est-il capable d'entendre une fréquence que l'homme n'entend pas? Donc, c'est une réalité sonore, mais invisible. Quand on parle de réalité invisible, évidemment, on parle aussi des réalités inaudibles, imperceptibles par l'homme. On parle de invisible par rapport à la vision claire, disons, lors de l'évolution. Vision qui est un synonyme de perception globale d'une conscience. Donc, pourquoi y a-t-il des choses cachées à l'homme? Qu'est-ce que la réalité visible? Qu'est-ce que la réalité invisible? La réalité visible, elle est de deux sortes. Elle est premièrement tout ce que l'homme perçoit et tout ce que l'homme peut interpréter de cette perception. Donc, ce que l'homme perçoit est peut-être une chose réelle. L'interprétation de cette perception chez l'homme nous amène à l'illusion de la réalité. Les réalités qui sont visibles sont souvent, eux aussi, invisibles pour l'homme. C'est un dilemme incroyable pour l'homme qui tend à évoluer. Toutes les réalités ou tout ce qui existe, un jour ou l'autre, va devenir perceptible par l'homme. Mais présentement, l'homme s'évertue surtout à se fier à ses sens corporels. Donc, tant que l'homme essaie ou tant que l'homme n'essaie pas de développer d'autres sens que les sens reliés à son corps, l'homme ne peut pas percevoir ces réalités dites invisibles. Pourquoi? Parce que vos yeux ne peuvent percevoir qu'une partie du spectre des réalités dans la lumière, mais au-delà de l'infrarouge, y compris l'infrarouge et l'ultraviolet en montant et en bas de l'infrarouge, l'homme ne perçoit pas. Par contre, l'homme ne perçoit pas par les yeux, mais l'homme perçoit parce que l'homme a les oreilles. Donc, l'homme peut percevoir une autre gamme du spectre réel par l'oreille, le son. L'homme perçoit par le toucher, dans les gammes les plus basses, par l'odorat, par le goûter, qui est une forme d'odorat développée, par l'ouïe et par l'œil. Maintenant, vu que l'homme ne se fie qu'à la perception sensorielle corporelle, il appelle la réalité que ce qui rentre dans ce spectre perçu. Et tout ce qui est extérieur devient une chose irréelle pour l'homme, pour la majorité des humains. À un moment donné, l'homme finit par entrevoir la possibilité que dans ce qu'il ne perçoit pas, il y a quelque chose. Dans ce que nous percevons, dans la réalité, disons, celle que nous pouvons aborder le plus facilement, le contact avec quelque chose de froid, par exemple, nous avons une réalité. Maintenant, il faut bien remarquer immédiatement que dans cette réalité du froid, il n'y a que l'interprétation d'un stimuli. La réalité visible, pourquoi elle est souvent illusoire et pourquoi la réalité qui pourrait être visible est souvent invisible, c'est simplement que moi, je perçois ceci comme étant froid. Mais si les contacts de mes cellules sensorielles, disons, amènent dans mon cerveau l'idée de ce que je perçois, de l'énergie du froid, dans une région de mon cerveau qui va l'interpréter comme étant de la chaleur. Donc, je vais trouver ce verre brûlant. Il n'y a pas de froid ou de chaud. Il y a une forme d'énergie sur le verre qui est captée par certaines parties de mon corps, disons mes sens du toucher, et ces parties qui réagissent avec cette forme d'énergie amène un influx à mon cerveau et étant donné que ce sont certaines particules de ma peau qui réagissent et non pas toutes les particules de ma peau, je sais que je touche quelque chose et je sais que c'est froid. Si d'autres particules de ma peau entreraient en contact avec le verre, je pourrais dire le verre est chaud. La peau, comme tous nos sens, qui capte la réalité, la peau, entre autres, elle est constituée de plusieurs capteurs. Certains capteurs sont spécialisés dans la détection du chaud, d'autres dans la détection du froid, d'autres dans la détection, par exemple, du brûlé, d'autres dans la détection du toucher. On a plusieurs formes de détection et selon la quantité de capteurs qui est influencée, on a très chaud, peu chaud, presque pas chaud, tiède. Et l'homme, avec l'expérience de la vie, lorsqu'il sent ses récepteurs, il apprend à appeler cela chaud. Et effectivement, pour tout le monde, les mêmes récepteurs vont réagir à la chaleur. Donc, nous savons tous que lorsque nous touchons quelque chose de chaud, si je te le passe, tu vas dire toi aussi que c'est chaud, et tout le monde, on va détecter la même chose. Mais en réalité, on détecte une forme différente d'une expression énergétique. Qu'est-ce qui différencie le très chaud du très froid? L'expression énergétique, c'est-à-dire que plus on a disons, d'énergie calorifique après un objet, plus on a ce que nous appelons de la chaleur. Maintenant, nous avons besoin de capteurs sensoriels pour détecter la dose d'énergie, disons calorifique, autour de l'objet. Mais dans la réalité de la chose, dans la réalité visible, plus souvent invisible à l'homme, il n'y a pas de froid ou de chaud. Il y a certains capteurs qui ne peuvent capter qu'une longueur d'onde du spectre de la réalité. Et d'autres capteurs ne peuvent capter qu'une autre longueur d'onde. Et lorsque nous captons cette longueur d'onde, nous disons « il est chaud », et lorsque nous captons telle longueur d'onde, nous disons « il est froid ». Lorsque les cellules, par exemple, de la langue détectent le sucré ou détectent le salé, alors ce sont des cellules différentes qui détectent des choses différentes. Mais en réalité, on a une forme d'énergie, par exemple, dans la bouche, et les capteurs qui seront influencés par cette forme d'énergie vont amener un influx au cerveau, et de là, cela va être analysé par notre mémoire, par l'expérience que nous avons de cette sensation, et nous pouvons dire, en réalité, cela est salé. Mais en réalité, le spectre de la réalité exprimée dans l'objet influence une partie de tes papilles gustatives. C'est tout. Et qu'est-ce qui arrive au cortex de l'homme? Ce n'est pas le sucré. Ce n'est pas le salé. C'est une impulsion électrique qui vient d'un récepteur particulier, d'un capteur particulier. Et le cerveau, par l'expérience, sait que lorsque ces capteurs émettent un influx, c'est parce qu'on a telle substance sur l'influx ou telle forme d'énergie. Donc, la réalité captée par l'homme, c'est une réalité dépendante de ses sens corporels, premièrement, et de la qualité de ses sens. Dans ma réalité, certains sons inaudibles à la majorité, disons, viennent à moi, et je sais que mon spectre auditif de la réalité sonore est plus grand que la majorité. Maintenant, d'autres personnes ont une réalité auditive beaucoup plus diminuée parce qu'ils sont durs d'oreille ou parce que certaines fréquences ils ne peuvent pas venir influencer leur tympan, ils ne les perçoivent pas. Donc, les réalités invisibles commencent là où la perception du spectre réel de l'homme finit. Au-delà de cette perception, il y a ces réalités invisibles. Parler de la réalité perceptible par l'homme, je l'ai fait amplement de fois. Donc, c'est préférable de se référer à ce qui a été fait pour ne pas perdre de temps. Parler des réalités invisibles, des réalités non perçues par le spectre corporel, par le corps physique. Lorsque Lao Tzu dit, ne pouvant l'apercevoir, on le nomme l'invisible. Ne pouvant l'entendre, on le nomme l'inaudible. Ne pouvant le goûter, on le nomme l'insaveur. Ne pouvant le sentir, on le nomme l'inodore. Ne pouvant le toucher, on le nomme l'impalpable. Et toutes ces réalités se fondent finalement en un. Une chose qui ne peut être nommée. Pourquoi elle ne peut-elle être nommée? Parce qu'elle ne peut être expérimentée par le corps de l'homme, donc par les sens de l'homme. Et si on la nomme, si, ne la percevant pas, je parle des réalités invisibles, d'ailleurs, là où tu parlais aussi de ces mêmes choses, si je ne peux les percevoir, je ne devrais pas tenter de les nommer. Parce que, automatiquement, ne pouvant expérimenter ce que je nomme, je peux créer une illusion invisible qui, pour moi, peut devenir une réalité invisible. Et évidemment, l'homme qui évolue dans son petit schéma de réalité perceptible, qu'il interprète et qu'il déforme selon son émotion, selon ses goûts, selon ses plaisirs et selon ses peurs, dans ce petit monde, l'homme ne peut pas percevoir l'univers. Il ne peut pas même pas se percevoir lui. Parce que vous savez que vous vivez, non pas par vos sens physiques, par la visualisation de votre corps en animation devant un miroir, peut-être. Mais ce n'est pas suffisant pour vous dire que vous vivez. Vous percevez au-delà des sens physiques certaines choses, mais elles sont indécises parce que facilement mélangeables avec l'imagination, c'est-à-dire que vous percevez dans votre mémoire des choses et vous percevez dans l'énergie invisible des choses. Ne pouvant différencier ce que vous créez et ce qui est, vous ne pouvez pas avoir la certitude de ces sens extracorporels. Mais l'homme a des sens extracorporels. L'homme peut percevoir d'autres choses que ce qui est, disons, matériel. Oui? Oui, mais est-ce que l'homme va devoir développer est-ce que les sens présents de l'homme vont lui suffire à percevoir ces réalités invisibles ou il devra en développer des nouveaux? Non, les sens de l'homme, à l'origine, servaient aux énergies évoluantes chez l'homme à expérimenter avec la matière, donc à vivre une expérience avec la matière. C'est-à-dire que lorsque l'homme souffrait, il expérimentait. Lorsque l'homme goûtait, il expérimentait. Lorsque l'homme avait des plaisirs physiques, il expérimentait. Maintenant, ces sens corporels ont servi par la suite à dominer l'homme, c'est-à-dire à obliger l'homme à faire certains actes qu'il n'aurait pas fait sans le plaisir corporel parce qu'il n'avait pas l'intelligence nécessaire pour comprendre l'utilité de ces actes. Si l'on se réfère, par exemple, à la Polynésie avant la découverte par la France, les Polynésiens faisaient l'amour. Mais les Polynésiens n'avaient jamais vu la liaison entre l'accouchement, l'enfantement et la relation sexuelle. Ils croyaient qu'à un moment donné, la femme devenait grosse, donc elle avait un enfant, et c'était de l'énergie qu'elle respirait ou c'était les dieux qui décidaient qu'elle porterait un enfant. Mais ils n'avaient jamais fait la relation entre l'accouplement sexuel et l'enfantement. Donc, si l'homme n'a pas l'intelligence d'accomplir certains actes qui sont bénéfiques pour l'évolution de la race, à un moment donné, les goûts, le plaisir, la jouissance sensorielle, qui n'a aucun lien avec la détection sensorielle avec les sens, le fait de sentir quelque chose te met en relation avec l'extérieur, te fait expérimenter, tu prends contact avec l'extérieur. Le fait de trouver un plaisir à ce contact, ce n'est pas sensoriel. Par contre, les énergies intelligentes ont fait en sorte que l'homme puisse avoir des plaisirs par le corps, vu qu'il manquait d'intelligence pour agir. L'homme, à partir de cet instant, s'est servi de ses sens pour bâtir sa vie, agrémenter son univers et sécuriser son univers, en ce sens que l'homme s'est mis à fuir ce qui était détecté par ses sens et qui ne lui plaisait pas, et à rechercher ce qui était détecté par ses sens, mais qui lui plaisait. Donc l'homme, qui était égoïste, comme on l'est toujours, l'homme normal, l'homme psychologique, a donc été manipulé par ses sens corporels, alors qu'il s'est accouplé. Il a recherché à avoir une nourriture meilleure, une nourriture plus purifiée. C'est sûr qu'à un moment donné, l'homme qui a l'intelligence peut purifier sa nourriture de façon à même en ôter ce qui est bon à l'intérieur. Mais dans l'Antiquité, l'homme devait purifier sa nourriture parce qu'il mangeait n'importe quoi. Il a commencé à faire cuire sa viande et il l'a trouvé meilleure au goût. Mais ce n'était pas une diététicienne qui venait dire à l'homme de Cro-Magnon que la viande cuite se digérait mieux. Et que dans la viande cuite, il y avait moins de possibilités d'avoir des maladies. Par contre, elle était meilleure au goût. Et pour ce plaisir du goût, l'homme a fait cuire sa viande. Pour le plaisir sexuel, l'homme s'est accouplé. Pour le plaisir de tellement de choses, l'homme a créé un univers. Présentement, les sens, ou prochainement, les sens, ne serviront plus nécessairement à découvrir l'extérieur, parce que l'homme connaît suffisamment l'extérieur. Par contre, elles serviront à l'homme pour que celui-ci puisse, par l'intermédiaire des sens, vérifier de quelle façon l'énergie intelligente est exprimée par lui. C'est-à-dire que si je recrée un univers, disons assujetti à l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de mes sens, premièrement, je vais être capable de vérifier si je vais pouvoir connaître ce que je crée. Je vais pouvoir vérifier si ma création matérielle est en accord avec mon énergie. Donc, les sens qui ont servi à l'homme pour descendre l'homme dans la matière, pour pouvoir faire en sorte que l'homme puisse découvrir la matière, ont servi par après à faire avancer l'homme en obligeant l'homme à rechercher ses plaisirs sensoriels et à fuir ses douleurs sensorielles. Et prochainement, elles serviront pour ajuster l'homme. C'est-à-dire que moi, je parle et au son de ma voix, je peux savoir quel genre d'énergie j'émets. Moi, je vais créer une peinture, par exemple, et je peux voir, donc par mes sens, je peux voir quel genre d'énergie psychologique j'exprimais. Donc, la parole devient essentielle, la création devient essentielle, parce que le retour sensoriel, ce que mes sens vont capter, va me permettre de pouvoir savoir ce que je fais. Les sens deviennent à ce moment-là une réflexion d'intelligence? Ils vont permettre, encore une fois, une expérimentation, une expérience, mais au lieu d'expérimenter la matière, on va expérimenter la transformation que l'homme oppose à la matière, que l'homme appose à la matière. Tout cela fait partie encore du spectre de réalité visible. Si nous essayons de percevoir ce que nos sens ne perçoivent pas, donc si nous nous adressons à ces réalités invisibles, nous tombons dans ce dilemme, celui de créer l'invisible, étant donné que nous ne pouvons le percevoir, notre imagination le crée, et il n'y a réellement plus de limite à ce processus d'ignorance. L'homme, au lieu d'écouter le son d'un oiseau, finit par se dire « Ah ben, je sais comment il chante », quand l'oiseau n'a même pas commencé à chanter. L'homme, dans l'invisible, au lieu d'essayer d'attendre patiemment d'entendre, de percevoir une énergie de l'invisible, l'homme préfère la stimuler en lui et écouter cette énergie. De ce fait, on en arrive à des conceptions, à des spéculations illusoires, illusoires parce que non expérimentées par les sens vitaux, par les sens astrales, par les sens mentaux, par les sens supramentaux de l'homme. Si nous parlons comme par exemple, j'ai perçu un jour Dieu dans ma vie. Est-ce que c'était par une perception sensorielle? Non. Donc, tu as perçu l'invisible à l'homme matériel. Mais dans cette perception de l'invisible, juste quand tu prends conscience que le fait de goûter un plat et tu vas dire, tiens, on a mis du poivre. Et le cuisinier te dit, non, j'ai pas mis de poivre, j'ai mis telle autre chose. Déjà que dans la réalité tangible de la matière, tu te trompes dans ta perception, dans une irréalité ou dans une réalité invisible, comment peux-tu savoir que c'est avec Dieu que tu as eu ce contact? Parce que tu voulais que ce soit avec Dieu. Parce que c'était différent. Parce que différent, tu appelais ça grandiose. Et parce que grandiose, c'était divin. Mais tu ne peux pas déterminer. Tu ne peux pas réellement te dire « j'ai perçu l'invisible. J'ai pu créer une chose qui est invisible, mais qui n'est pas une réalité invisible, c'est une illusion invisible. Illusion invisible parce que la masse ne voit pas cette illusion. Mais toi, tu l'accrédites réelle parce que tu as perçu quelque chose. Quelque chose qui est hors tes sens corporels, parce que l'ayant perçu sans tes sens, c'est différent. Parce que différent, tu l'appelles grandiose. Et parce que grandiose, cela est divin. Cela est supérieur. Quand dans la réalité invisible, tout ce qui est différent de l'homme, perçu habituellement par l'homme, est l'égal ou l'inférieur à l'homme. Les réalités invisibles, les plus facilement perceptibles par l'homme, sont des réalités inférieures à l'homme. Parce que l'homme n'est pas ajusté pour percevoir une réalité supérieure. Dans l'énergie supérieure, il y a ce qu'il faut pour percevoir l'homme. De ce fait, l'énergie intelligente, percevant l'homme comme l'homme est, va doser son approche vers l'homme pour pénétrer dans l'homme selon sa perception de l'homme. Mais l'homme qui essaie de percevoir l'énergie supérieure va dire à l'énergie supérieure « Viens, je suis prêt ». Mais l'homme ne perçoit à peu près jamais l'énergie supérieure. L'homme, par contre, perçoit comme réalité invisible les spectres qui sont l'égal de sa présence sur la planète. Si nous avons, par exemple, un walkie-talkie, une radio émetteur-récepteur, cette radio peut percevoir une énergie hautement plus vibratoire, plus, disons, haute dans le spectre que ce que l'homme peut percevoir. Donc, l'homme a besoin de se créer un appareil qui va descendre l'énergie de Dieu, l'énergie supérieure à l'homme, celle de la radio, pour la mettre dans un appareil de façon à transformer, à évoluer l'énergie de la radio pour en faire une énergie auditible par l'oreille humaine. Il y a donc involution de l'énergie. Mais cela met l'homme en contact avec une énergie supérieure à ce que son audition normalement peut lui permettre. Mais la radio ne peut capter comme énergie que l'énergie qu'elle peut elle-même générer. C'est-à-dire que nous avons des cristaux dans ces radios. Et si nous plaçons le cristal, par exemple, prenons la bande publique, le CB, si je place le cristal du canal 14 dans ma radio, lui vibre selon une longueur d'onde identique à la fréquence 14, et je pourrais donc émettre en fréquence 14, et un cristal qui vibre dans la même gamme, je vais me permettre de recevoir. Mais si je mets un cristal 14, je ne recevrai pas une longueur d'onde 100 fois supérieure. Donc, dans la perception de l'invisible par l'homme, l'homme ne peut pas percevoir, entrer en contact de par lui-même avec une énergie supérieure à lui. Mais l'homme est extrêmement supérieur à ce qu'il croit, ce qui permet à l'homme d'entrer en contact avec des énergies apparemment supérieures, mais qui sont son égal. Mais je répète par contre que, différemment de la radio, lorsque l'énergie supérieure, elle, veut entrer en contact avec l'homme, elle le fera. Mais elle le fera en diminuant son taux vibratoire pour arriver à être l'égal du canal 14 au niveau du CB, donc l'énergie divine, l'énergie supramentale, devra baisser, évoluer, baisser son taux vibratoire pour être en harmonie avec la longueur d'onde la plus élevée de votre expression. Et là, vous percevez non pas Dieu, vous percevez ce qu'il y a de supérieur chez l'homme. On ne peut pas percevoir supérieur à l'homme. Là, à ce moment-là, on retombe dans la similarité avec les capteurs de la main ou de la langue, comme tu parlais tantôt. Mais si on prendrait le processus inverse, puis on garderait, mettons, l'énergie tellurique qui... je vais prendre l'exemple samedi passé, où on va faire l'équitation, puis à un moment donné, on sent l'énergie tellurique à travers le cheval. Donc, c'est une dose massive, mettons, là, je divague un petit peu côté, là, mais une dose massive d'énergie tellurique. Est-ce qu'il faut, pour qu'elle ait un travail, mettons, de guérison, peu importe chez l'homme, est-ce qu'il faut qu'elle ait en plus une énergie intentionnelle ou par elle-même? Je divague. Dis plus précis. Je suis de la misère à aller plus précis que ça, là, dans le sens que, bon, si on prend, tu as parlé de l'énergie supérieure qui se diminue jusqu'à temps d'être captée par les capteurs naturels de l'homme. Si on prend une énergie qui n'est pas inférieure, mais en fait qui part de la Terre puis qui monte, cette énergie-là... Elle n'a pas besoin d'être diminuée. Regardons bien ceci. Juste pour revenir à ce que je disais, si Dieu vous communique, le Dieu qui vous parle est votre égal. Il ne peut pas être supérieur. Et c'est pour cela que chaque personne a son Dieu. On ne peut pas avoir une personne ici et moi exactement la même vision de Dieu. On ne peut pas avoir exactement le même contact supramental. Deux conférenciers reliés à l'énergie supramentale ne peuvent pas parler de la même façon. Parce que l'énergie vient s'ajuster à la personne, donc le Dieu qui rencontre quelqu'un est à la hauteur de rencontrer cette personne. Cette personne, elle en est digne, c'est-à-dire qu'elle est d'ordre vibratoire égal à l'énergie divine qui vient la capter. Au niveau des énergies planétaires, l'homme est premièrement matériel, ensuite vital, tellurique, ensuite astral, psychologique, émotif, ensuite mental, ensuite supramental, ensuite bouddhique, ensuite divin. Bon, quoique ces énergies n'ont rien à voir avec Bouddha ni avec Dieu. Bon. Ton énergie tellurique, elle est automatiquement captée par ton corps. Elle est perçue par ton corps. C'est pourquoi l'homme va de temps en temps se sentir bien sur du gazon, en campagne. C'est pourquoi l'homme plante des arbres. C'est pourquoi l'homme aime les fleurs. Pour percevoir cette énergie, c'est pourquoi aussi l'homme, autre que l'ego de la coloration corporelle, l'homme recherche le soleil. Mais le fait, disons, de détecter par une perception sûre cette énergie tellurique, exactement comme par exemple, si je pénètre dans un endroit particulier, je peux te dire de quel ordre elle est l'énergie de la place. La majorité des personnes n'en sont pas là. Mais lorsque l'énergie est à dose massive, comme une énergie, disons, extrêmement basse, et empreinte d'énergie de peur, l'homme le détecte. Mais l'homme, le détectant, sans savoir qu'il le détecte, il a automatiquement peur, donc il génère, il accentue cette détection d'énergie. Mais le fait que l'homme ne la détecte pas sensoriellement, autre que par le corps physique, disons une sensorie, une chose, une espèce de sens, de sensation vitale ou psychologique ou astrale ou mentale, ne vient pas dire que l'énergie n'existe pas. Souvent, on va, par exemple, ici je fais une conférence, on m'écoute, mais présentement il y a un camion qui vient de passer sur le métropolitain, on l'entend encore. Alors, si je le dis, l'oreille du monde peut prendre connaissance de ce mécanisme. Mais sinon, ils n'ont pas entendu le camion, ils n'entendent pas l'extérieur. Cela n'empêche pas l'extérieur de continuer à exister. Donc, le fait que tu ne perçoives pas une énergie ne dit pas que l'énergie n'est pas là. Mais le fait que vous la percevez ne dit pas qu'elle est là. Et c'est le gros problème. Pourquoi? C'est justement pour les mécanismes que je viens de dire, étant donné que l'homme se fie exclusivement à son corps physique, ce qui est très bien. Lorsque l'homme entre en contact avec une énergie perçue outre, supérieurement au corps physique, l'homme doute. Et si l'homme ne doute pas, l'homme se lance en disant que c'est Dieu qu'il perçoit ou que c'est Satan qu'il perçoit. Mais le fait d'entendre une musique dissonante, une musique discordante, d'entendre une musique qui ne vous plaît pas, est-ce que vous criez immédiatement que c'est le diable qui s'approche? Non. Et le fait de percevoir une énergie autre qu'auditive, une énergie dans l'ordre vital, dans l'ordre psychologique qui n'est pas en harmonie avec nous, elle vous fait peur. Elle vous met d'âme bas. Elle vous descend. Et là, vous parlez de satanisme. Mais en réalité, c'est une réalité invisible qui fait partie du spectre de la réalité, et lorsque l'homme le perçoit, il l'interprète immédiatement, étant donné que ce n'est pas une perception corporelle. Si je te pile sur le pied, ce que tu ressens, tu ne recherches pas Satan, tu ne sors pas ton crucifix. Mais lorsqu'à un moment donné, tu as comme une impression bizarre qui t'envahit, alors automatiquement c'est Satan. Mais c'est la même chose, tu perçois. Mais si l'homme laisse cette perception l'envahir, et il la nourrit lui-même, exactement comme si je dis, je vais vous faire une prise de sang. Alors je sors mon aiguille, je sors ma fringue, et je commence à vous piquer et vous laisser la peur, la douleur vous envahir. Et que ça va faire mal. Puis réellement mal. On peut même aller jusqu'à un choc psychogénique, un neurogénique, c'est-à-dire que la douleur va vous faire perdre connaissance. Mais parce que vous laissez la douleur vous envahir, cette énergie, vous la cultivez. Donc, tous vos nerfs, tout ce qui perçoit cette douleur va continuer à émettre et va entraîner tous les autres capteurs à sentir cette douleur qui n'est pas existante ailleurs. Et il y aura une douleur tellement extrême que la personne peut en perdre connaissance. C'est la même chose pour les énergies. La réalité invisible, lorsqu'on la perçoit, on l'appelle immédiatement Satan. Elle vient en nous et immédiatement, on la laisse nous envahir, nous gagner. évidemment, on l'attire. Parce que dans ce domaine, je ne peux pas tirer d'aiguille plus d'aiguille, évidemment, une chance. Mais par contre, au niveau énergétique, où la limitation vibratoire est réduite, dans la matière, c'est limité. L'aiguille ne peut pas voler, elle est trop pesante. Mais dans l'énergie vitale ou astrale, lorsque nous laissons cette douleur, cette perception nous pénétrer, nous envahir et que nous la nourrissons, nous attirons les énergies similaires, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est vrai, on est plein, on est pris. Mais lorsqu'à un moment donné, on a une perception d'énergie divine, on peut soit se laisser baigner de cette énergie, mais c'est le même problème. Lorsqu'on a une perception d'énergie maléfique, on se laisse aussi baigner par cette énergie, en ayant peur. Mais l'homme qui reçoit son aiguille, s'il observe et s'il perçoit ce qui se passe dans sa réalité physique, il sait que c'est limité. Et lorsque nous percevons une réalité, disons, maléfique, basse en vibration ou haute en vibration, nous devrions être suffisamment attentifs, observateurs, pour voir la localisation. C'est très localisé, cette perception. Nous détectons une énergie. Il y a une énergie satanique dans le salon. Je le détecte. Est-ce que c'est une raison pour que j'absorbe toute cette énergie? Bon, pas nécessaire parce qu'on vient me piquer qu'il faut que toutes les aiguilles de l'hôpital viennent me piquer. Bon, on comprend physiquement le mécanisme, mais c'est exactement ce qui se passe au niveau des perceptions extracorporelles. On n'en voit pas la localisation, la limitation. C'est plein d'énergie bénéfique, tu devrais te laisser aller. On a plus peur. Mais quand c'est maléfique, on a tellement peur qu'on n'a plus peur. On la laisse rentrer. On devrait percevoir la limitation objective de cette détection sensorielle. Alors oui, je détecte effectivement une énergie basse. Comme lorsque j'entends une note de musique basse. Mais c'est tout. Ça n'empêche pas que, outre la note de musique basse, il y a des notes plus hautes. Mais si je ne fais qu'écouter la note basse, et qu'à un moment donné, elle résonne dans ma tête et qu'il n'y a plus que cela, bien évidemment, je deviens aussi bas que la note. Physiquement, non, mais au niveau des énergies vitales, moins limitées, des énergies astrales et mentales, oui. Donc, l'homme devrait percevoir les réalités invisibles, mais l'homme ne devrait pas se rabaisser à croire que parce que ce n'est pas capté par ses sens, cela est automatiquement plus puissant que lui. Alors donc, à un moment donné, je perçois dans ma tête une voix qui me dit « Je suis ton grand-père ». Je vais apparaître dans 3 semaines dans ta chambre. Place un miroir et une chandelle et, à la date que je te dis, allume-la. Et à 3 heures du matin, tu verras mon visage dans le miroir. Qu'est-ce que vous avez à foutre de faire ce que la voix vous dit? On a une perception d'un monde parallèle, disons du monde de l'astral. On a une perception d'un monde invisible qui peut être déformé et nourri par notre propre psychologie, donc danger. Cette perception, elle est banale. Elle est aussi banale que si à un moment donné, vous entendez la radio de votre voisin. Mais l'homme y attache automatiquement une importance. L'homme, c'est vous. Alors donc, à la date précise, tu sors ton miroir, tu as peur. Mais en même temps, tu veux voir. Tu places ta chandelle, tu l'allumes en tremblant. Tu vas te coucher avec un extincteur prêt à l'éteindre pour rien voir, puis un interrupteur tout proche pour tout allumer. Tu allumes un peu la musique, et puis tu espères dormir à 3 heures, et puis tu attends. Mais tu as perçu quelque chose du domaine de l'invisible qui est une réalité. Mais une réalité qui est une illusion par rapport à l'évolution de l'homme. C'est-à-dire que c'est une inutilité. Cela ne sert à rien. Cela est utile pour certaines choses, mais non pas pour l'homme qui l'a perçu. Ce n'est pas parce que vous entendez un camion passer sur une voie que vous devez aller vous acheter un camion. Donc, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez perçu une réalité invisible que vous avez une mission suite à cette perception. De temps en temps, vous sentez quelque chose d'une façon dont supérieure à ce que vous êtes normalement. Ce n'est pas parce que vous avez une mission maintenant, vous avez senti une rose comme jamais, alors vous ouvrez une boutique de parfum de rose. Mais dans le domaine de l'invisible, l'homme qui perçoit quelque chose, automatiquement s'assujettit à une mission, s'assujettit à être manipulé par la forme, parce qu'il la croit supérieure, parce qu'il est content. Enfin, j'ai une perception que personne n'a, je suis donc béni par les dieux. Plus souvent par Satan. Bon. Alors, tu places ton miroir, tu places ta chandelle, et à un moment donné, l'énergie que tu mets dans ce rituel va permettre à cette réalité invisible de pouvoir prendre forme presque matérielle ou matérielle dans ce miroir ou dans l'air. Mais qu'est-ce que cela est? Tu perçois encore simplement une partie du spectre de la réalité. Tu ne dois pas t'y vouer. C'est un phénomène extrêmement banal. Mais étant donné que tu le laisses te pénétrer et que tu deviens le phénomène, c'est plus banal du tout, tu deviens possédé. Mais évidemment, selon le degré d'involution de ce qui te possède, tu es possédé pathologiquement, comme tu es possédé par l'idée d'avoir une lada, par exemple. Bon, il y a plusieurs schémas de possession. Hein? Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne elle-même, elle perçoit quelque chose dans l'irréalité ou dans la réalité, disons, invisible, et parce qu'elle a ce contact, elle s'imagine automatiquement un paquet de choses. À un moment donné, on s'en va dans le bois et on fait entendre à une personne ce que font les trilles lorsque la fleur s'ouvre. C'est une espèce de personnage qu'on connaît au Québec. Et la personne qui entend un nouveau bruit qu'elle n'avait jamais perçu avant, bah, un drôle de bruit, elle est contente. Physique. Ici, à un moment donné, je vous dis, par une expérience que nous allons faire taire nos sens physiques et nous allons essayer de percevoir dans le vital quelque chose. Mais on ne l'entendra pas, on ne le verra pas, parce que ça, c'est tributaire des sens matériels. On ne le sentira pas, on ne le goûtera pas, on ne pourra pas le toucher. On aura donc une nouvelle perception. Si vous êtes aveugle et que j'essaie de vous faire comprendre que l'homme peut voir, toucher à distance et toucher les couleurs, c'est ça la vision. Je peux toucher le mur et je peux connaître le mur. Mais la personne qui est aveugle, elle connaît le toucher, l'audition, l'olfaction, le goûter. Et une autre perception, est-ce que c'est possible? Non. Perception, une personne aveugle de naissance. Ce n'est pas possible. Elle ne pourra pas envisager cette perception. Ce n'est même pas imaginable, ce n'est pas pensable. Et quand tu ouvres les yeux, oh, c'est banal. Mais c'est tout à fait inexpliqué médicalement, ni physiquement. On peut dessiner un appareil photo à l'envers, tout ça, mais ça n'explique pas plus. Hein? Ça explique rien que l'homme au-dessus à l'envers, c'est tout. Alors, mais ça n'explique rien d'autre. Lorsque nous parlons de perception vitale, l'imagination est une forme de perception astrale, et c'est une perception sensorielle, mais dans le corps astral. Lorsque nous allons dire à la personne, je vais te faire découvrir une nouvelle chose, une nouvelle perception dans l'énergie vitale. La personne se met aux aguets et recherche une perception sensorielle tactile dans son corps physique. Mais ce n'est pas ça. Elle écoute un bourdonnement dans l'oreille, mais ce n'est pas ça. Elle sent du soufre. Mais ce n'est pas ça. C'est de l'imagination. Tu sens ton imagination, là. Tout d'un coup, elle a quelque chose qui n'est pas nommable parce que ce n'est pas suffisamment expérimenté par la collectivité pour que la langue lui appose un nom. Et tu perçois quelque chose de nouveau. Mais c'est la même expérience que d'écouter une fleur qui s'ouvre. C'est la même expérience que de voir quelque chose grandir. Mais la personne, parce que ce n'est pas conventionnel, parce que ce n'est pas sensoriel physique normal, elle va dire, c'est extraordinaire ce cours, ils vous font voir des choses incroyables, c'est une initiation, vous, c'est un chemin d'évolution. Mais voyons donc, on va te faire sentir de la moutarde, c'est un chemin d'évolution, tu pourras payer 300$ pour ça, non. Alors, on va te faire écouter quelque chose dans le domaine de la vibration astrale ou de la vibration vitale, et là, oui, tu es prêt à payer. Et parce que la personne, elle est chez elle, et tout d'un coup, elle a une perception de ce monde, de cette réalité invisible, elle prend cette petite perception du spectre global de l'univers, et elle croit que c'est l'univers. Je viens de rencontrer Dieu, parce que dans ma tête, j'ai vu une lumière absolument écœurante, incroyable, extraordinaire. Ben, y a des boxeurs qui n'ont vu plein de lumière dans leur tête, qui ne sont pas plus évolués. Le fait de percevoir une chose particulière dénote une vibration particulière chez celui qui perçoit, mais ça ne dénote rien d'autre. C'est un symptôme d'évolution, soit, mais ce n'est pas une transformation radicale. Ce n'est pas une initiation transformative. C'est simplement la découverte que nous sommes transformés, mais très peu. On ne doit pas attacher de l'importance à ce que nous percevons dans les réalités visibles. On doit attacher de l'importance à percevoir, mais non pas à ce que nous percevons. Plus vous allez voir loin, mieux c'est. Donc, entretenez vos yeux. Mais ce que vous voyez n'a pas d'importance. Plus vous allez entendre des choses subtiles, mieux c'est. Mais ça n'a pas d'importance que vous entendez. Méditez sur une jolie fleur ou sur un excrément, c'est la même chose pour celui qui sait méditer. Il ne sera pas perturbé par la chose. Il concentrera son attention méditative sur un objet. Mais la chose qui l'attire ne doit pas être importante. Sinon, il se leurre. Les chrétiens, lorsqu'ils prient, est-ce qu'ils prient le crucifix de bois? Ou s'ils concentrent leur pensée de façon à rechercher quelque chose de plus énergétique dans l'astral collectif, dans l'astral religieux, dans la spiritualité. Mais la majorité, si nous plaçons un excrément au lieu du crucifix, ne peuvent pas prier, parce qu'ils prient le crucifix. Alors, nous percevons des choses, nous percevons dans le domaine parallèle, dans les mondes invisibles, certaines choses. Mais ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous entrez en contact, le terme est faux, ce n'est pas parce que vous percevez un peu plus de la gamme spectrale normale perçue par le corps que vous êtes des élus. Vous êtes normal. Et chaque personne a ce genre de perception, mais de temps en temps, une personne suit vous. Et cela est dangereux. Le fait de dire « il y a un verre ici », le fait de le voir, me permet de concevoir une réalité matérielle plausible, du moins suffisamment plausible pour que je puisse prendre le verre et boire l'eau. L'exemple est bon, ça devient, je me sois. Par contre, lorsque je développe mes sens vitaux, mes sens astrales, mes sens mentaux ou mes sens supramentaux, le contact avec l'ajusteur de pensée, le discernement pour affiner la perception des vrais sens, le sens de l'astral, le sens mental, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne fais que m'ouvrir à ce nouveau monde pour pouvoir un jour le connaître comme il est et non pas l'imaginer comme cela me plaît. Lorsque je connais le monde du vital comme il est par mes sens vitaux, je vais donc être capable maintenant et désormais de travailler en collaboration avec le plan vital parce que je saurai où ramasser l'énergie, quel type d'énergie aller chercher, comment éviter tel genre d'énergie, c'est-à-dire que je pourrais travailler dans le plan vital comme je travaille dans le plan matériel. Mais lorsque je refuse de développer ces sens, parce que je ne crois qu'à mes sens déjà développés, ceux qui me sont légués par la génétique, une chance que je les ai, sinon j'oserais même pas vouloir entendre, si je ne me limite qu'à ces sens, je perds mon intuition. Et l'intuition, c'est le mot-clé qui désigne toutes les perceptions des réalités invisibles. Maintenant, l'intuition, il faut évidemment la développer de façon à pouvoir savoir lorsque nous imaginons une perception et lorsque nous percevons quelque chose. Lorsqu'une personne entend des bruits la nuit dans le bois et qu'il n'y en a pas de bruit, elle imagine. Donc, elle a une intuition physique. Et lorsque vous entendez quelque chose qui est réel, vous avez aussi une intuition physique. Et l'expérience vous donne la possibilité de discerner entre l'intuition d'une perception réelle et l'intuition d'une perception fictive. C'est de l'intuition physique, le fait de sentir. Lorsque nous allons dans les plans parallèles, donc au-delà du plan matériel, lorsque nous essayons de percevoir les plans vitaux à leur montant, c'est toujours de l'intuition. Mais l'homme ne naissait pas, l'homme est tellement content d'avoir un contact avec un monde parallèle, d'avoir une perception avec l'invisible, que l'homme ne veut pas savoir si cette perception, elle perçoit quelque chose d'authentique ou de fictif. Il préfère s'en vanter. Bon. Alors, l'homme doit donc, lorsqu'il a une intuition dans n'importe quel des plans, essayer par l'expérience de pouvoir discerner une perception authentique d'une perception fictive. Je vois l'aura. Puis après, moi j'ai un CB puis j'écoute, j'entends plus loin que toi. C'est la même chose. Ce n'est pas un degré d'évolution le fait de voir l'aura. Certaines personnes voient l'aura en naissant, d'autres personnes la voient à un moment donné, d'autres travaillent pour la voir, mais ça se développe. C'est une perception d'une énergie vitale, même si l'aura peut être l'expression de l'énergie astrale, elle est exprimée dans le vital, et l'homme peut percevoir l'aura. L'homme ne voit pas par les yeux, même si les centres de perception de l'aura sont certains centres, certains disons, capteurs, se trouvent au niveau de l'œil. Mais la majorité des centres qui permettent de percevoir l'aura se trouvent au niveau du cerveau. Donc, même les yeux fermés, on peut voir l'aura. Maintenant, soit en passant, ce n'est pas tellement intéressant de voir l'aura, étant donné qu'on voit toujours l'aura d'un autre à travers la nôtre, ce qui fait que le mélange de couleurs fait qu'on ne connaît pas l'aura de l'autre. Bon. Alors, à ce niveau, ce n'est pas intéressant de voir l'aura. Mais, par contre, le fait de percevoir l'aura, c'est simplement que nous percevons une réalité d'un spectre de cette réalité, d'une réalité normale, mais qui n'est pas normalement perçu. Et là, une personne qui voit l'aura décide immédiatement de diagnostiquer toutes les maladies de tout le monde pour pouvoir les guérir. Parce qu'elle a une perception supérieure à la gamme normale, elle s'imagine automatiquement qu'elle a le privilège de faire, d'accomplir quelque chose parce qu'elle l'a perçu. Si vous percevez un missile qui vous tombe sur la tête, vous avez le privilège de crier alerte. Lorsque nous percevons l'aura de quelqu'un, c'est pas dangereux, on n'a aucun privilège. C'est dangereux parce que je vois ton foie et je vois l'énergie rougeâtre autour de ton foie. Un rouge brun sale, il y a maladie. Mais si à travers mon aura, moi j'ai un bleu foncé là, et qu'elle, elle a un rouge, bien clair, en parfaite santé, moi ce que je perçois, c'est un rouge sale. Parce que j'ai la mienne et la tienne. Donc, on a tellement d'être télépathe, de rentrer en contact avec toutes les formes d'énergie, des plans planétaires parallèles à l'homme, ne nous mettent pas en contact avec des énergies supérieures à l'homme. L'homme n'entrera jamais en contact avec une énergie supérieure. L'homme deviendra supérieur ou l'homme entrera en contact avec des énergies supérieures, dans ce sens, elles sont légales de lui, mais égales à ce qu'il y a de mieux en l'homme. Et ça, l'homme appelle ça une énergie supérieure. Parce que l'homme se croit tellement vil et bâtard que lorsque l'homme a une vision humanitaire de quelque chose, il croit être en contact avec Dieu. Il est en contact avec lui-même. Mais une autre difficulté, Daniel, à percevoir de cette façon-là, c'est pas aussi qu'on était habitué que tout ce qui était invisible, qui était les réalités invisibles, était permanent. Puis tout ce qui était matériel, incrusté dans le matériel, c'était temporaire. Donc, ce qui est dans l'invisible est aussi impermanent, est aussi changeant que dans la matière. Ce sont les mêmes lois qui régissent l'expression de toutes ces vibrations. Sauf que dans la matière, cela change plus vite. Dans l'énergie vitale, cela change plus lentement. Dans l'énergie astrale, cela change encore plus lentement. Dans l'énergie mentale, encore plus lentement. Dans l'énergie supramentale, tellement lentement que par rapport à l'homme, il l'appelle l'immortalité. Mais dans l'énergie planétaire, jusqu'à l'énergie mentale, tout cela change. Le fait, par exemple, d'entrer en contact avec telle entité, si tu pourrais vivre 300 ans, tu verrais qu'à un moment donné, il n'y a plus de contact avec cette entité. Si l'entité est à la fin, à son apogée, tu peux entrer en contact avec dans une séance spiritiste et au bout d'un certain temps, tu ne la retrouves plus. Tout est changeant et tout est extrêmement changeant, même si l'homme ne le voit pas. L'homme, comme tout à l'heure je disais, parce qu'il perçoit quelque chose de différent, il y attache de l'importance parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il s'imagine à être supérieur et différent, parce qu'il vient d'entrer en contact avec un monde invisible. Mais le monde est invisible parce que non perceptible, simplement par l'homme. Mais le monde invisible n'est pas nécessairement supérieur parce qu'invisible. Il est l'égal de l'homme, et comme l'homme, il y a une partie extrêmement basse, une partie extrêmement haute. Mais la partie extrêmement haute, elle ne peut être plus haut que ce qu'il y a de plus haut chez l'homme. Sur la planète, présentement, il n'y a pas d'énergie et plus évoluée que le plus évolué des êtres humains. Et il n'y a pas d'énergie plus basse que la plus évoluée des expressions planétaires. Et l'homme est ce qu'il y a de plus évolué dans le plan de la planète. Et à travers l'humanité de l'homme, il y a des hommes plus évolués. Et quand on dit plus évolués, on parle de taux vibratoire et non pas en termes de connaissances. Et lorsque l'énergie, lorsque une personne, quelle qu'elle soit, entre en résonance avec une énergie, quelle qu'elle soit, elle ne peut pas aller chercher une énergie supérieure à elle. Tu ne peux pas entendre avec tes oreilles un son qui ne peut pas être entendu par tes oreilles. Et tu ne peux pas, dans tous tes sens, même au niveau des sens très subtils du mental, entrer, percevoir, entendre par le sens mental une énergie qui ne peut pas être entendue par ton sens mental. Et l'énergie qui est entendue par l'oreille est une énergie qui est en harmonie, en résonance avec ce qui est communicable par l'oreille. Même si l'outil est matériel, ce qui se passe dans l'oreille est l'énergie qui communique le son, à l'intérieur, l'autre côté du tympan, avant d'arriver aux osselets, aux marteaux, etc., c'est encore une fois une énergie vibratoire, sonore. Donc, l'homme entend la gamme d'ondes qui est égale à son oreille, même si on a un appareil matériel qui entoure cette perception. Le cristal dans un récepteur vibre, même s'il est matériel, vibre. À l'intérieur, il y a cette vibration égale à la longueur d'onde qu'il capte. Donc, lorsque l'homme entre en contact avec une énergie supramentale, c'est qu'il est supramental, c'est qu'il a un sens supramental, c'est qu'il est suffisamment dynamisé, énergisé, pour arriver à un niveau où il peut entrer, être en harmonie avec les basses vibrations supramentales. Sinon, l'homme entre en contact avec une vibration mémorielle d'une énergie supramentale dans l'astral, et l'homme entre en contact avec, ce qui est similairement la même chose tant que l'homme discerne. Donc, l'homme qui rencontre Dieu se rencontre lui-même. Et c'est pour ça que chaque homme rencontre son Dieu. Et si une personne vient me définir son Dieu sera aussi imparfait que la personne qui va me le définir. Et c'est tout à fait normal, l'homme ne peut pas capter outre ce qu'il est. Mais si l'on développe ses sens pour capter l'extérieur, cela, évidemment, peut nous permettre d'expérimenter dans le domaine de l'invisible, donc dans ces réalités invisibles, et expérimentant dans ce domaine, nous pouvons perfectionner nos sens dans ce domaine, comme lorsque j'essaie d'écouter des sons de plus en plus faibles, je perfectionne mon audition. Et lorsque j'écoute des sons de plus en plus puissants, je deviens sourd. Je m'ajuste. Bon. Alors donc, l'homme qui essaie de percevoir dans ces mondes invisibles ne doit pas s'attacher à ce qu'il perçoit. Et ça, c'est primordial. Sinon, l'homme est fait, ce sera encore mieux. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'homme ne peut pas entrer en contact avec ces mondes invisibles. L'homme, si l'homme entrerait en contact avec les mondes invisibles, avec la connaissance qu'il a, il se vouerait à servir ce qu'il perçoit. C'est d'ailleurs le cas. Donc, de ce fait, l'homme ne peut pas percevoir l'invisible parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient de sa puissance, de son importance, pour pouvoir entrer en contact avec ces mondes. Il se croirait leur inférieur, malgré qu'il est royalement supérieur. Donc, l'homme qui entre en contact, l'homme qui développe cette sensibilité des mondes parallèles, des mondes invisibles, l'homme va découvrir des illusions invisibles et des réalités invisibles. Par l'expérience dans ces mondes, l'homme va discerner entre l'un et l'autre, de façon à ce qu'à un moment donné, tu puisses prendre connaissance que le mirage existe même pour tes yeux. Et que le mirage peut être la représentation d'une réalité, mais la réalité n'est pas à ajuster dans le temps et dans l'espace. Comme si tu vas dans le désert, tu peux apercevoir une oasis qui est réelle, mais 300 000 milles plus loin. Et par diffraction, elle t'est apparue. Le mirage existe, il peut être photographié. mais tu ne peux pas voir dans le mirage. Donc, tes yeux le perçoivent, la technique oculaire, l'appareil photographique qui réagit donc à la lumière, le perçoit. Donc, dans le domaine de l'invisible, on doit aussi discerner. Parce que j'ai vu telle chose. Fais pas attention à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce qui t'est dit, à ce que tu perçois. Et là, tu pourras développer tes sens, parce que là, tu seras suffisamment intelligent pour commencer à explorer ce nouveau monde. Lorsque l'homme arrive en Australie, qu'il voit un kangourou, est-ce qu'il dit « Bonjour, monsieur l'Indien, j'aimerais... » Il commence par expérimenter l'Australie. Et lorsqu'il a expérimenté l'Australie, il connaît le kangourou, il connaît le koala, il connaît les marsupiaux, il connaît donc les plantes qui vivent là. Et s'il y a des hommes, il connaît les hommes. Et dans le domaine des mondes invisibles, c'est la même chose. Sauf que l'homme est un explorateur ignorant qui se présente en Amérique, voyant un homme, il dit « Voilà, c'est un homme indien parce que nous sommes aux Indes. » Et là, l'Indien d'Amérique n'a rien contre, parce que qu'on appelle sa terre les Indes, il s'en fout. Mais la personne qui venait rencontrer Dieu là a rencontré l'Amérique. La personne qui rencontrait l'Inde a rencontré l'Amérique. Alors, c'est aussi simple que l'œuf de Colomb. Lorsque tu rentres dans le domaine du vital, dans le domaine de l'astral, dans le domaine du mental, ce que tu vois, tu risques de le prendre pour ce que tu veux. Comme l'Amérique a été baptisée l'Inde. Et par après, ben là, les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, ont voulu qu'on les rebaptise. Parce que c'était pas les Indes, c'était l'Amérique. Ce que l'homme perçoit dans les mondes invisibles, présentement, observez bien ceci. La majorité ne perçoivent rien dans le monde de l'invisible. Et cela ne vous empêche pas de vivre. Alors, si vous percevez et que vous l'ignorez, c'est-à-dire que si vous percevez quelque chose et que vous n'attachez pas d'importance à ce qui est perçu, cela ne changera rien non plus dans votre vie. Vous ne serez pas puni par une énergie inférieure à vous. Donc, on doit développer cette perception des mondes invisibles. Mais on doit se foutre royalement de ce que nous percevons. Et ça, c'est très important. On aura des questions là-dessus. Y a-t-il des maladies causées par des forces dans l'invisible? Si oui, pouvez-vous donner des exemples de cela? Bon, disons que les maladies sont toujours causées par le réceptacle. Si le réceptacle n'est pas prêt à recevoir tel genre d'énergie, il peut en être abîmé. Exactement, lorsque vous frappez un boxeur, il risque d'être moins abîmé que si vous frappez votre femme, votre mari. Donc, et non, on fait un parallèle matériel, mais c'est la même chose. Pourquoi disons-nous que l'initiation solaire en ésotérisme est interdite? On a l'initiation lunaire. Pour la simple raison que les énergies supérieures, si elles descendraient massivement sur l'homme, elles désintégreraient l'homme. C'est presque une maladie, mais là, c'est une maladie rapide. Bon, alors, une maladie, lorsque une personne est en contact avec un monde parallèle comme le monde de l'astral collectif, familial, religieux, sociétaire, militaire, l'astral moral, les concepts, spéculatifs, placés dans nos mémoires, notre éducation, ce que nous avons expérimenté, l'astral, quoi, en ésotérisme. Lorsque la personne est en contact avec certaines parcelles de cet astral, ces régions de l'astral, ces vibrations, disons, collectives, le fait de « j'ai peur de perdre mon emploi », je suis donc régi, assujetti à l'astral de ceux qui ont perdu leur emploi, de ceux qui parlent de comment empêcher les pertes d'emploi, l'astral social. Et ces vibrations rentrent en dissonance avec les miennes, mon désir de travailler, par exemple, et vont créer chez moi une inharmonie, c'est-à-dire qu'elles vont, descendre des vibrations de ma psychologie pour les amener au même niveau de ceux de la collectivité. Si je suis suffisamment puissant dans mon astral, je vais, moi, transformer les énergies astrales de la collectivité et tout le monde croira pouvoir trouver du travail. Vu que je suis insuffisamment puissant étant assujetti à l'astral collectif, ces énergies viennent me faire peur à la longue, c'est-à-dire que je diminue mon taux vibratoire et je commence à vivre ce stress du chômage. Ce stress va être exprimé de différentes façons par les formes d'énergie inférieure de l'homme, par son énergie vitale, il sera épuisé, il dormira mal, par son énergie physique, il aura des ulcères d'estomac, il aura des problèmes pathologiques, ou ils pourront être exprimés par la parole. Donc, les contacts avec les mondes invisibles, elles suscitent normalement beaucoup de maladies chez l'homme, parce que l'homme les entend exactement comme si vous regardez le soleil en plein jour ou lors d'une éclipse solaire, par exemple, le soleil ne vous aveugle pas. Mais tous les rayons qui sont en train de détruire vos yeux, vous ne les percevez pas. N'empêche qu'après quelques minutes de contemplation de cette éclipse, vous serez aveugle. Et possiblement jusqu'à la fin des jours de votre corps. Donc, même si vous avez une perception ignorée de l'invisible, cet invisible opère des choses chez vous. Lorsque l'énergie est inférieure à l'énergie du capteur, on se dirige vers une pathologie. Lorsque l'énergie est supérieure à l'énergie du capteur, de la cellule qui capte et non pas de l'homme global, on se dirige vers une amélioration ou une évolution du capteur. Donc, lorsque l'astral, lorsque l'émotion, lorsque cette partie de l'homme capte des énergies astrales, mentales, donc des énergies mentales mémorisées dans l'astral, il y a évolution du plan astral normalement. Lorsque l'énergie astrale capte des énergies matérielles ou vitales dans le plan astral, des énergies du bas astral, il y a normalement évolution de ce capteur. Donc, c'est important que la personne, l'homme global, qui normalement devrait prendre connaissance de ses sens pour pouvoir les protéger, donc je fais attention à mon oreille, je diminue ce qui rentre trop fort, je m'éloigne de ce qui est dissonant pour mon oreille, donc j'arrive dans la matière physique à être capable de conserver une intégrité sensorielle jusqu'à la fin de la vie de mon corps. Il en est de même, ou il devrait en être de même, pour les perceptions dans le monde de l'invisible, ce qui ne nous amènerait normalement pas à être malade. Donc, on a plusieurs genres de maladies. Des exemples de maladies, il y en a plusieurs. On a par exemple l'asthme. L'asthme est une maladie qui est fonctionnelle par rapport à une captation sensorielle, disons, d'énergie astrale et quelquefois d'énergie vitale. C'est-à-dire que la personne... Une crise d'asthme. C'est-à-dire que la personne qui capte ses énergies et se met en résonance avec ses énergies, et la seule façon qu'elle a d'exprimer ce qu'elle capte par ses sens astrales, ça va être par une hyperstimulation du système endocrinien, par exemple, et de toute façon, on sait en ésotérisme que la voie d'expression du monde émotif, c'est par le biais du système endocrinien physique. Lui va pouvoir gérer, coordonner la majorité des pathologies chez l'homme, des maladies, l'expression du bonheur, de la nervosité, de plusieurs choses. Et lorsque le corps, par exemple, va se mettre à sécréter un peu trop d'une certaine forme d'hormone, le corps réagit à cette sécrétion et d'une façon tellement violente qu'on a une pathologie, l'asthme. Bon. Lorsque le corps sécrète de l'histamine, par exemple, lorsque le corps sécrète trop d'histamine, une substance normale que nous avons à l'intérieur du corps, l'homme va avoir, par exemple, des gonflements, des rougeurs, des démangeaisons, des éternuements, des bronchospasmes, des difficultés respiratoires. Et tout cela s'est créé par une hyperstimulation de ce qui, normalement, devrait sécréter de l'histamine, substance qui a une utilité corporelle, mais une utilité limitée. Et lorsque nous avons trop d'histamine, l'histamine va réagir, va servir, entre autres, à lutter contre certaines particules qui viennent agresser l'homme. Mais lorsque une particule ou deux agresse l'homme et que l'homme déclenche par le biais de sa psychologie, c'est-à-dire que les vibrations de l'invisible d'une certaine sphère vibratoire de l'astral, perçues par l'homme psychologique, vont être comprises, vont être perçues comme étant une agression. Et étant donné que la psychologie de l'homme, chez certaines personnes, réagit à cette agression psychologique, et ce n'est pas parce que nous parlons à quelqu'un, par le biais simplement de l'énergie invisible de l'astral, la personne va réagir à cette agression comme le corps réagit à une agression de particules, disons, qui tend à attaquer le corps. Donc, elle va réagir de la même façon que si je vous coupais un bras. Vous allez être en état de choc, en état d'alerte physique, parce que vous avez une agression dans l'énergie vitale. Alors, vous allez automatiquement sécréter énormément d'histamine pour lutter contre une agression qui n'existe pas. Alors, le fait, par exemple, de toucher un chat fait que on va réagir. On croit pouvoir réagir. On croit que le chat stimule suffisamment notre réaction et on se sert de l'idée que nous touchons un chat et que nous sommes allergiques au chat pour pouvoir lutter contre cette agression du monde invisible de l'astral. En réalité, le poil du chat, on n'en est pas allergique. Mais le fait de toucher cela fait que cela déclenche chez l'asthmatique la réaction globale d'accélération cardiaque, de sécrétion d'histamine, d'un paquet de phénomènes. Et c'est pourquoi longtemps on a donné de l'adrénaline à ceux qui étaient asthmatiques en crise d'asthme. Maintenant, on ne le fait presque plus parce que c'est dangereux. Parce que l'adrénaline fait en sorte que les sécrétions d'histamine sont diminuées. Donc, on diminue, disons, la réaction allergique. Alors, on a l'asthme. On a des faiblesses vitales. Une personne, par exemple, qui se sent faible. Une personne qui a une alimentation, disons, suffisamment variée et qui se sent faible. Elle a une agression. Elle a une perception, disons, une perception sensorielle dans le plan vital, par exemple, mais cette perception, même si elle l'ignore, même si elle ne la perçoit pas consciemment, parce que l'homme perçoit continuellement, mais il n'a pas nécessairement conscience de ce qu'il perçoit, donc il peut canaliser suffisamment d'énergie dans cette perception vitale pour s'en voir diminuer. Donc, la personne va souffrir de différentes maladies, de fatigue, des maladies qu'on va avoir de la difficulté à guérir. L'acupuncture peut peut-être guérir, mais on va avoir de la difficulté à guérir par une médecine, de nourriture, une médecine chimique. Pourquoi? Parce qu'on a une fuite d'énergie. Et les sens qui captent dans le vital sont des sens reliés au système des carrefours d'énergie, communément appelés chakras. Mais le chakra, en réalité, n'est pas un centre d'énergie, c'est un carrefour d'énergie. Et lorsque ces carrefours d'énergie captent des énergies vitales, elles peuvent ramasser les énergies vitales, ce qui ne devrait normalement se faire par le biais du sommeil, par le biais du soleil et de la nourriture. Mais de temps en temps, lorsqu'une agression vitale est faite dans un plan inférieur au capteur, c'est-à-dire que si vous captez par le chakra, disons, du troisième œil, une énergie qui devrait normalement être captée par le chakra, disons, des glandes surrénales, il est inférieur en vibration au troisième œil, donc peut rendre malade ce troisième œil. Il diminue son taux vibratoire. Donc, la personne, par différentes, soit techniques de respiration, d'acupuncture, la nourriture, c'est difficilement accessible parce que la nourriture n'amène pas une énergie vitale en abondance suffisante pour combler, par exemple, une perte massive d'énergie vitale. Alors, la personne peut avoir des symptômes de fatigue, mal dormir. Elle peut bien dormir aussi, mais elle peut mal dormir. Elle peut avoir un manque d'entrain. Elle peut avoir une hypotension. Elle peut avoir une hypertension. Il y a plusieurs symptômes, disons, de maladies qui peuvent être donnés par ce genre. Disons que l'hypotension ou l'hypertension chronique, mais non diagnosticable réellement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, on donne des médicaments, mais on ne connaît pas la cause, est souvent reliée à une agression, et c'est une réaction à l'agression dans une énergie vitale. perçus par les sens vitaux. Alors, il y a plusieurs formes, disons, de maladies, il y en a énormément, qui sont des résultats à des agressions liées à notre perception. Lorsque c'est trop fort, on crie. Lorsque nous avons une épine dans le bras, on a une réaction où on va avoir des anticorps, où on va avoir des globules blancs qui vont venir réagir. Mais lorsqu'on a une agression au plan vital, on a aussi une réaction qui peut affaiblir le corps physique le temps que cela se fait, qui peut rendre maussade la personne, donc affaiblir le corps astral le temps que cela se fait. On a une réaction normale. Alors, on a plusieurs maladies, disons, qui sont causées par la perception des plans invisibles. Mais évidemment, l'homme peut y remédier sans problème lorsqu'il apprend, disons, à connaître un peu ces choses-là. Comme lorsque l'on connaît, disons, les symptômes ou les causes d'une maladie matérielle, on peut régler. Si tu manges trop d'épices, tu as des problèmes à l'estomac, tu manges plus d'épices, ça va bien. Lorsqu'on arrive aussi à percevoir, disons, à développer nos sens dans les mondes invisibles, on peut aussi arriver à comprendre des mécanismes et à se tenir un peu plus en santé, sans nécessairement se vouer, disons, à une philosophie, disons, de santé. Dans le même sens, ici, pourquoi l'énergie vitale refuse d'aller dans certains organes précis, blocage énergétique? Comment capter et surtout garder l'énergie vitale en soi rapidement? Bon, l'énergie vitale qui normalement circule à l'intérieur des méridiens. Disons, on en a deux sortes, on a tellurique et solaire ou yin et yang, et on a une troisième forme d'énergie vitale qui, elle, ne circule pas dans les méridiens, qui n'est pas connue de l'acupuncture, qui est l'énergie médiane ou de synthèse, une énergie qui est beaucoup plus nominale que solaire ou tellurique. Et ce n'est pas, disons, un amalgame des deux. Lorsqu'un organe se voit privé d'énergie, c'est souvent parce qu'un autre organe en capte. Et lorsqu'un autre organe en capte, les organes, le corps humain est régi par le système endocrinien, entre autres, par le système méridien, donc le système vital, et le système endocrinien est régi par l'astral. Donc, on a, pour que l'énergie vitale puisse librement venir nourrir un organe, on ne doit pas avoir une phase énergétique astrale qui vient puiser pour se nourrir l'énergie vitale de l'organe. Ce qui fait qu'on peut, par exemple, lorsqu'une personne exprime certains symptômes psychologiques, elle a peur, elle est stressée, elle a des idées de grandeur, elle veut rentrer en contact avec Dieu, elle a peur du diable, n'importe quel genre d'expression psychologique, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. On a automatiquement une vibration dans notre système endocrinien qui est particulière à l'état psychologique de la personne. Cette perturbation endocrinienne fait que certains organes, certains sécréteurs d'hormones, certains récepteurs, dont ceux qui vont réagir à certaines hormones, sont perturbés par cette énergie. Étant donné que le système hormonal régi par l'astral est perturbé par l'astral, on aura donc des organes ou des parties du corps qui resteront tout à fait normales et d'autres parties qui se verront atteintes, c'est-à-dire qui exprimeront la perturbation astrale. L'exprimant, elles vont soit s'énergiser la région avec de l'énergie, yin ou yang, donc causer, par exemple, un brûlement d'estomac parce qu'il y a trop d'énergie yang, et s'il y a trop d'énergie yang, cela peut causer une pénurie yin ailleurs, ou on peut avoir un organe qui, à cause de toute l'ascendance et le contrôle vibratoire de l'astral par le biais du système endocrinien, va refuser, ne pourra plus capter tel genre d'énergie parce que l'astral le capte à sa place pour s'énergiser. Donc, on a automatiquement perturbation dans l'énergie vitale parce que perturbation dans l'énergie astrale, ce qui va dégénérer en perturbation physique, évidemment, étant donné que l'énergie vitale est ce qui donne la forme au corps physique et ce qui l'entretient. Alors, c'est simplement pour cela que certaines formes d'énergie vitale ne refusent pas, mais ne sont absorbées avant d'être absorbées par le corps. OK. Je pense que tu as presque répondu à celle-là. Est-ce que pour chaque maladie, il peut y avoir un blocage psychologique qui empêche l'énergie vitale de passer? Non. On a déjà vu dans les pièges du karma, entre autres, les différentes sortes de maladies et dans la guérison, une conférence sur la guérison. On va le revoir plus en détail aussi dans les thérapies intelligentes, je crois, la prochaine conférence qu'on va faire. Disons que chaque maladie est générée par des choses qui lui sont propres. On a des maladies typiquement physiques qui sont les accidents, On a des maladies qui sont vitales. On a des maladies qui sont reliées à un karma planétaire, comme les maladies transmises sexuellement, comme d'autres genres de maladies. Disons que le blocage psychologique, et quand on parle de blocage, en réalité, ce n'est pas un blocage. C'est simplement une trop grande forme, une trop grande énergisation d'une parcelle de l'homme psychologique. Et pour permettre cette trop grande énergisation, pour lui donner de l'énergie, on doit puiser soit dans l'énergie mentale, soit dans l'énergie vitale. Ce qui, puisant dans l'énergie vitale, crée une pathologie. Puisant dans l'énergie mentale, empêche la personne de voir clairement ce qui lui arrive. Donc, l'empêche d'être efficace. Alors, ce qui fait que la majorité des maladies chez l'homme sont causées par une trop grande énergisation de l'énergie astrale, de leur émotion, de leur désir, de leur peur, de leur crainte, de leurs espoirs, de leur foi, de différentes choses. Mais on a des maladies qui ne sont pas reliées à la perturbation psychologique. OK. Qu'est-ce que l'énergie, où est-ce que l'énergie tellurique non utilisée va se réfugier? Peut-elle s'éloigner de la Terre? Non, l'énergie tellurique, elle est ce qui forme la planète Terre. Donc, elle ne s'éloigne pas de la Terre. Elle peut être transformée en énergie astrale à un moment donné, donc automatiquement, elle prend de la distance. Elle peut être retransformée en énergie mentale, donc elle prend encore de la distance. Prochainement, cette énergie sera transformée en énergie supramentale planétaire, donc elle prendra encore de la distance, mais cela reste assujetti au plan planétaire. Parce qu'elle a besoin, l'énergie tellurique, l'énergie qui est au niveau du schéma planétaire, a besoin d'une énergie inférieure pour la supporter, et l'énergie de la planète et l'énergie matérielle, disons, la plus inférieure. Elle ne peut pas rejoindre une autre planète, sauf si une parcelle matérielle planétaire quitte la planète, comme un astronaute, comme une fusée. Là, l'énergie vitale tellurique de la planète quitte aussi, parce que la fusée ne se désagrège pas. Tout reste. L'astral de l'homme reste, le vital, tout reste. Et là, on peut envoyer, disons, on peut voir une forme d'énergie tellurique s'éloigner. Mais normalement, l'énergie tellurique de la planète Terre reste à la planète Terre. L'énergie solaire, elle, l'énergie Yang, peut venir sur la planète parce qu'elle suit justement ce processus. Elle évolue, elle diminue en vibration et elle est attirée par la matière beaucoup plus dense de la planète Terre, comme évidemment de la planète Vénus et de la planète Mercure et des autres planètes, évidemment. OK, Daniel. Comment réagir devant une énergie négative qu'on ressent? Lorsque l'on ressent une énergie négative, c'est que nous la percevons. Donc, nous avons une forme de sens, de sens qui est en opération et suffisamment en opération pour être conscientisé, donc pris en conscience par l'homme. Donc, vous savez que vous percevez. Vous n'êtes plus manipulé bêtement en ce sens que vous percevez une énergie maléfique et vous devenez maléfique. Sans savoir pourquoi. Vous percevez. Mais entre le fait que vous ne devenez pas maléfique et le fait que vous avez peur parce que vous percevez, il n'y a pas grande différence. La personne qui perçoit une énergie sans maléfique, elle ressent quelque chose, elle doit simplement savoir qu'elle le ressent, mais que ce n'est pas en elle. Et comment faire pour que cela devienne en elle? C'est simple. C'est beaucoup plus simple que de faire l'inverse. Elle doit simplement, avoir peur. Et lorsque la personne commence à avoir peur, automatiquement l'énergie commence à être elle-même. Elle devient cette énergie. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de percevoir une note de musique et elle est capable d'imiter la note de musique. Et lorsqu'elle n'a plus besoin de la percevoir, elle peut chanter elle-même. Elle est en vibration, elle crée, elle génère. Alors, tu perçois une énergie, par exemple, négative, et tu es capable de la copier, de la recréer, de l'imiter. Et là, tu y vas, et tu y vas, et tu y vas. Et la peur, c'est justement ce qui te permet de copier cette énergie. Lorsque vous ne devez pas réagir, premièrement, devant une énergie négative, elle est négative parce qu'elle est inférieure à vous, et c'est tout. On ne doit on ne doit rien faire. Si l'énergie est agressive, l'énergie négative est massive, alors on doit simplement savoir, et entre le savoir et le faire, évidemment, il y a deux. On doit simplement savoir que nous sommes les créateurs de cette énergie, que nous sommes les maîtres contrôleurs de cette énergie, que nous n'avons qu'à refuser cette énergie pour que cette énergie s'en aille, que nous n'avons qu'à lui parler sûrement pour que l'énergie sûrement sacre son camp. J'ai déjà expliqué à un moment donné, c'était assez amusant, que lorsqu'un fantôme rentrait dans ta chambre, tu pouvais lui dire qu'il puait. Et là, le fantôme, ben, avec ses grosses dents, sa grosse chaîne, ben, il sent mal. Parce que l'homme préfère le voir et avoir peur. Donc, il l'accrédite. L'homme lui donne sa puissance. Lorsqu'une personne a peur d'un petit chien, il lui donne de la puissance et le chien profite. Mais lorsque, par inadvertance, tu as peur du chien, tu sautes et tu l'écrases, ben, tu ne te pensais pas si puissant. Mais le chien, il ne se pensait pas si niaiseux. Tout aplati. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est... Non, mais c'est ça. Pourquoi un petit chien peut-il rentrer un troupeau de vaches dans un enclos? Parce que les vaches donnent de la puissance au chien. Mais lorsque la vache décide de ne pas rentrer dans l'enclos et de décider de prendre le chien et de voir ce que ça goûte, ben, le chien, il prend ses jambes à son cou et il s'en va. Il a quatre pattes, un coup. Ça court, le chien. Bon, alors il sacre son camp. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que devant une énergie négative, qu'est-ce que c'est négatif? Ce n'est pas plus puissant que vous. Une énergie positive, ce n'est pas plus puissant que vous. C'est ce que vous voulez que ce soit. Comment agir? Comme vous agissez lorsque vous percevez un goût. Si vous ne l'aimez pas, vous arrêtez d'en manger. Et si le goût reste, se stimule jusqu'à temps que vous allez en vomir, ben c'est parce que vous allez créer, vous allez revenir avec votre mémoire du goût. Vous allez avoir l'idée que le goût reste dans votre bouche. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Alors, vous buvez du Pepsi, vous buvez de l'ammoniaque, vous buvez n'importe quoi, vous changez le goût. Comme l'homme fait pour se changer les idées. Il boit d'autres d'énergie pour se changer les idées. Sauf que le problème, c'est que se changer les idées, c'est compliqué, on a besoin d'une énergie. On a besoin de quelqu'un, la télévision. On a besoin de quelque chose pour se changer les énergies, changer nos idées. Alors, c'est de beaucoup préférable, lorsque nous percevons une énergie négative, de en prendre conscience immédiatement, donc en s'observant, et simplement de dicter à cette énergie ce qu'elle doit faire. S'en aller. Et ça fonctionne. Ça, pour fonctionner, ça fonctionne. Parce qu'on a même des personnes qui sont royalement possédées et une autre personne qui ne la connaît pas vient avec, disons, les rythmes d'un culte et ordonne à cette énergie négative très, très, très possédante de s'en aller. Sinon, elle devra mourir, c'est-à-dire qu'elle devra évoluer. Et la vibration du négatif est transformée. Alors, il n'y a pas d'énergie négative, sauf si l'homme agit négativement. Donc, à rebrousse-poil vers une espèce d'énergie évoluante. Lorsque vous voyez une fourmi, lorsque vous voyez un gros ver ou un crapaud galeux, ben, c'est une énergie négative pour l'homme. Et ce n'est pas nécessaire de le prendre et de l'ingurgiter. En fait, faites le cuire avant, disons que c'est moins négatif. Mais on laisse faire. S'il rentre chez nous, on le met dehors. Alors, c'est exactement ça qu'il faut faire avec n'importe quel genre d'énergie. Vous buvez pour changer votre goût, vous prenez d'autres énergies pour changer l'énergie négative, ou simplement vous la générez, cette énergie. Alors donc, vous commandez aux énergies négatives. Et cela fonctionne à merveille, sauf si vous dites, « Va-t'en! » Ah, je suis parti. Non. Dans l'invisible, y a-t-il des extraterrestres qui se battent pour la possession de la Terre? Mais vu que c'est invisible, personne ne le sait. Extraterrestre veut donc dire non généré par la planète Terre. Il y a effectivement des énergies extraplanétaires, extraterrestres, qui se battent avec des énergies subterrestres en superficie de la planète Terre, pour la possession de la planète. Maintenant, on ne doit pas visualiser cet état de choses par une guerre des étoiles où on a un seigneur noir qui vient se battre contre n'importe qui ici, pour posséder la Terre. On a effectivement une descendance d'énergie supramentale, donc d'énergie extraterrestre, qui peuvent être personnalisées ou personnifiées par l'homme astral sous forme d'entités extraterrestres qui devront traverser un nuage extrêmement puissant d'énergie astrale qui peuvent eux aussi prendre la forme d'extraterrestres, c'est-à-dire d'êtres humains terrestres peut-être, mais qui donnent l'apparence d'une extraterrestrialité. Et ces extraterrestres planétaires vont essayer d'entrer en contact avec les humains dans une forme suffisamment manipulatrice pour pouvoir avoir une armée humaine suffisamment puissante pour lutter contre l'énergie supramentale. Donc, on a effectivement une lutte à finir, qui va se terminer d'ailleurs par la perte, évidemment, on le sait, on l'a vu dans tellement de romans, par la perte des entités noires, hein, et effectivement, on a donc ce combat qui va être perdu par l'humanité. Parce que sachons bien que l'humanité lutte contre les énergies supramentales. L'humanité lutte contre Dieu pour ne pas être transformée en Dieu parce que l'humanité a un ego suffisamment puissant qu'il préfère rester homme ayant les pouvoirs de Dieu que de voir son l'homme mourir et lui naître. Donc, l'homme, l'humanité va perdre. Et présentement, moi, je suis, autrement dit, l'ennemi de l'humanité, c'est évident. Je suis pour, c'est-à-dire que j'amène les énergies supramentales à venir bouleverser l'astral. Et c'est pourquoi aussi, de temps en temps, j'ai des conférences qui bouleversent plus. Je suis, on m'appelle un briseur de forme, c'est-à-dire un bouleverseur. Pour dire comme Alexandre, un bulldozer. Bon. Il y a effectivement un combat, mais ce n'est pas un combat avec des rayons laser, des sabres laser et des fuseurs, évidemment. C'est beaucoup plus puissant. Tu dis qu'on doit se moquer des perceptions, mais on en a besoin pour vivre. C'est paradoxal. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas paradoxal chez l'homme? Hein? L'homme qui voit sa femme qui aime, puis l'homme qui, celle qui tue son mari parce qu'elle le trompait, parce qu'elle l'aimait, bon. Je dis qu'on doit se moquer. Je n'ai pas dit qu'on doit se moquer des perceptions. Je dis qu'on ne doit pas porter attention à ce qui est perçu. Et il y a une différence à noter. Je dois porter attention à la perception, c'est-à-dire au fait que je perçois. Je ne dois pas porter crédit à ce qui est perçu. Donc, je ne m'en moque pas. Mais je ne dois pas porter crédit. Je dois expérimenter et je dois développer par le biais d'énergie mentale une connaissance, disons, presque à un moment donné supramentale ou instantanée, de ces nouvelles régions. Mais l'homme n'a pas le choix de pénétrer par ses sens invisibles dans les mondes invisibles. Et il ne doit pas se moquer. Il ne doit pas accréditer ce qu'il perçoit. Lorsque je vois un chien enragé qui bave, je sais simplement, dans le plan physique, disons, je sais simplement que par mon expérience ou par l'expérience que j'ai de l'instantanéité, donc je sais que de temps en temps, je peux m'en remettre à une inexpérience efficace pour pouvoir faire en sorte que ce chien baveux vienne se servir de sa barbe pour me licher les mains. Au lieu de l'acide incrusté à l'intérieur de ma peau me mordant. Bon. Par contre, si c'est la même chose dans un monde invisible, je ne me moque pas, mais je ne juge pas ce que je vois comme étant mauvais ou comme étant bon. Alors, ce n'est pas paradoxal le fait de développer ses sens, d'aimer voir des choses, mais ne pas les juger. Essayer de les laisser être ce qu'ils sont. Comment arrêter le processus de la souffrance quand elle est invisible? Merci. Alors, c'est une question immense. Samedi prochain, je fais une conférence justement sur ce sujet parce que j'ai eu tellement de questions sur ce sujet. L'homme doit-il souffrir, obligatoirement souffrir? Je ne me rappelle plus du titre, mais c'est quelque chose dans le genre. Alors, disons, je préférerais que les personnes reviennent samedi, pas demain, l'autre. Je vais élaborer... en masse sur les questions de la souffrance, sur le chemin de liaison entre l'invisible, entre ce qui est visible, entre ce qui est perçu et entre ce qui amène l'homme à souffrir. Alors, disons, je préférerais répondre plus tard. On a un représentant de la franc-maçonnerie présentement au Québec. Est-ce qu'il peut agir dans les mondes invisibles pour transformer la réalité qui s'y trouve? Le grand monsieur avec une barbe, voyons, Lanzo del Vasto, est-ce qu'il est de ce... Lanzo del Vasto, non, c'est pas un franc-maçon. C'est... Non, lui, c'est une personne qui a connu le Mahatma Gandhi et qui a été appelé le serviteur de la paix. Donc, il n'a aucun rapport, disons, avec... Alors, le franc-maçon, disons, j'imagine qu'on parle ici, c'est celui qui dernièrement a touché le sol du Québec. C'est un représentant, haut représentant de franc-maçonnerie française, ce qui, disons, a une légère différence entre la franc-maçonnerie anglaise et française. Une différence qui frôle presque la guerre, disons, mais une différence. Le représentant au Québec, est-ce qu'il peut agir dans les mondes invisibles pour transformer la réalité qui s'y trouve? Une question qui, disons, dénote quand même une connaissance de l'ésotérisme invisible suffisamment puissant. Les ordres des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie ont évidemment travaillé longtemps dans les plans invisibles. C'est-à-dire que même l'homme travaille dans les plans invisibles parce que chaque fois que vous criez ou que vous pensez, vous faites un travail dans le plan de la matière et dans le plan de l'invisible. Chaque fois que ces organisations, de toute façon, ont un caractère éminemment opérateur dans l'invisible, de façon à créer l'opération dans l'invisible. C'est pourquoi on les appelle sociétés secrètes et elles se vouent à rester secrètes parce qu'on ne serait pas toujours d'accord avec leurs secrets. Bon, la personne qui présentement représente, disons, une grande loge ou la franc-maçonnerie française qui est présentement au Québec, a pour fonction, dans l'invisible comme dans le visible, d'énergiser une loge ici au Québec. Je ne vous dirai pas si cela est bon ou mauvais, cela est permis. Et je ne veux pas en dire davantage. Si chacun fait la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'une entité supérieure abaisse ses vibrations et que l'humain élève les siennes, est-ce encore une perception? Lorsque les deux se rencontrent, ils ne peuvent pas se rencontrer comme ceci, ils devront se rencontrer comme ceci. Ils sont loin, non? Les énergies descendent, les énergies évoluent, l'énergie supramentale. L'homme évolue, ils ne pourront pas se rencontrer comme ceci, ils devront s'interpénétrer pour se rencontrer. S'interpénétrant, l'énergie supramentale qui parle avec l'homme est une énergie humaine. Une énergie qui sera colorée par la plus haute vibration de l'homme, par la plus haute vibration du récepteur. Ce n'est plus de l'énergie supramentale proprement dit, mais elle n'a pas été colorée par rien d'autre que le mental réceptif. Donc, si le mental est suffisamment pur, donc détaché de l'astral, il pourra exprimer par le biais de la parole, par le biais de l'action, il pourra donc exprimer d'une façon presque parfaite l'énergie supramentale, parce que lui sera au niveau supramental. Mais l'homme ne peut pas augmenter son taux vibratoire. Qu'est-ce que l'homme peut faire? L'homme peut simplement essayer d'ajuster tout ce qui est vibratoirement plus bas en lui, ajuster cela à son plus haut niveau de vibration. Il n'augmente pas ses vibrations, il prend ce qui est inférieur en lui pour essayer de l'énergiser de façon à l'amener égal à ce qu'il y a de supérieur en lui. De cette façon, l'homme a suffisamment d'énergie haute en lui pour que par attraction, ce que nous appelons l'amour, l'énergie supramentale puisse venir, c'est-à-dire que l'homme est suffisamment dynamisé pour permettre à une énergie évoluante, l'énergie supramentale, de venir au niveau de l'homme, de façon à ce que l'homme puisse en prendre connaissance. Donc, l'homme n'augmente pas son taux vibratoire pour entrer en contact, Il purifie son intérieur pour laisser, si possible, que ce qu'il y a de supérieur en lui, en l'occurrence pour l'énergie supramentale, pour l'énergie mentale, en l'occurrence pour l'énergie mentale, pour l'énergie astrale, en l'occurrence pour l'énergie de l'astral supérieur, l'énergie spirituelle, donc l'homme essaie de laisser tomber ses basses vibrations astrales, ses jalousies, tous les défauts, disons, qu'on a bannis, qui sont des expressions vibratoires basses de l'astral. Si l'homme dynamise suffisamment son astral, il rencontrera des entités ou des énergies de l'astral spirituel, de l'astral supérieur. Lorsque l'homme est à un autre niveau, donc au niveau mental, il pourra rencontrer des énergies supramentales qui seront mentalisées par l'homme. Ces énergies mentalisées par l'homme ne supramentaliseront pas l'homme. Elles vont donner de l'expérience mentale à l'homme, elles vont énergiser, donc vu qu'elles sont mentalisées par le mental humain, elles vont donc nourrir le mental de l'homme, donc grossir sa puissance mentale, sa puissance énergétique, pour qu'à un moment donné, cette puissance énergétique soit une base suffisante pour que vienne se poser l'énergie supramentale. Et là, l'homme devient supramental, et là, l'homme n'entre plus en contact avec l'énergie supramentale, l'homme doit simplement découvrir tous les mécanismes de la supramentalité de façon à rechercher Dieu, l'énergie bouddhique. Et lorsque l'homme aura trouvé Dieu dans l'énergie bouddhique, il sera cela. Il pourra rechercher Dieu dans l'énergie divine. Présentement, le Dieu, le plexus cébalum, la forme d'expression divine extraplanétaire supérieure à l'homme, le plexus cébalum, est l'énergie supramentale. Et aucune autre forme d'expression divine ne peut venir voir l'homme si l'homme n'a pas une base réceptive. Donc, l'homme doit avoir un corps vital, un corps astral, un corps mental, un corps supramental, etc., pour recevoir les énergies supérieures. Donc, l'homme qui augmente la capacité vibratoire, donc non pas sa hauteur de vibration limitée, par contre, l'homme qui amène sa vibration à son bloc supérieur en vibration, lui peut attirer une énergie supérieure qui viendra se placer au même niveau pour être en résonance. On ne place pas du feu sur de l'eau. C'est alchimique, mais c'est un fait. On doit placer quelque chose en harmonie. Si vous mangez du sodium, vous mourrez presque instantanément, c'est un poison violent. Mais vous en avez absolument besoin pour vivre. Mais n'en mangez pas. Si vous respirez du chlore, on s'en est servi pendant la guerre, c'est un poison respiratoire, un poison vaporeux extrêmement toxique. Mais vous en avez absolument besoin pour vivre. Mais n'en respirez pas. Donc, on prend ces deux énergies, on les place à un niveau assimilable, c'est-à-dire qu'on les place à une vibration harmonieuse avec l'homme, le chlorure de sodium, le sel de table, et ça, vous pouvez en manger. Et une fois dans votre corps, il est absorbé par d'autres formes de vibrations supérieures au chlorure de sodium, et là, on a le chlore qui est défait, qui va servir à certaines choses, et on a le sodium qui va servir à la transmission neurologique, par exemple, et à d'autres choses. Donc, l'homme qui est en contact avec l'énergie supramentale, par exemple, l'homme qui s'habitue à communiquer avec son ajusteur de pensée, c'est-à-dire l'homme qui développe cette intuition, l'homme qui écoute ce sens, mais qui n'y porte pas attention, ne porte pas attention à ce qu'il reçoit. C'est-à-dire que l'homme développant ce sens perçoit des choses, et il devra les discerner par l'intermédiaire du mental, lorsque nous parlons d'énergie supramentale, de façon à discerner quand cela vient de l'astral et quand cela vient de l'énergie supramentale. Mais quand c'est chez l'homme, c'est mental, c'est jamais supramental. Qu'elle soit visible ou invisible, quand est-ce qu'une réalité est-elle réelle de façon absolue? Une réalité est réelle de façon absolue lorsqu'elle ne peut plus être perçue par l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne connaîtra jamais la réalité absolue tant que lui-même ne sera pas une réalité absolue, tant que lui-même ne sera pas cette réalité absolue. Et lorsque l'homme saura cette réalité absolue, il ne le saura pas. On appelle cela être, on appelle cela immédiatement, instantané. Il n'y a pas de perception, il n'y a plus de connaissance. Pourquoi? Parce que la réalité absolue, ce n'est pas un fragment du spectre réel, ce n'est pas une partie du casse-tête réel. La réalité absolue, c'est tout. Donc, lorsque tout est tout, il ne peut pas percevoir qu'il est tout parce qu'il ne peut se comparer à rien, étant donné qu'il est tout. Donc, l'homme ne peut pas connaître cette réalité absolue. L'homme ne peut connaître que des réalités qu'il peut interpréter et nommer vérité. L'homme ne peut connaître que des réalités en harmonie présentement avec son plan d'évolution. Donc, la matière est solide dans le plan terrestre. La matière est d'autres choses dans le plan vital et sur d'autres planètes, il y a beaucoup d'autres réalités. Il n'y a pas de réalité absolue tant que l'homme pourra percevoir ces réalités. Alors, il y a des réalités pour l'homme, il y a des vérités pour d'autres, il y a des illusions pour la majorité, mais la réalité absolue ne peut pas être obtenue par une parcelle de cette réalité absolue. Une question ici serait plus de décodage. Chaque fois que je regarde là, c'est 11h11 du soir ou 1h11 du matin. Je fais des additions de chiffres qui sont à ma vue et toujours des 1. Que dois-je comprendre? Bon, absolument rien. Tu dois simplement comprendre que c'est amusant, que c'est plaisant. Et que, oui, tu peux toujours évidemment ôter toutes les 1 sur ton cadran. Donc, je ne fais pas des farces. Je fais simplement référence au fait que les personnes ont une tendance dans des choses qui ne sont pas comprises. À un moment donné, c'était les dieux qui chicanaient pour qu'il pleuve. Et à un autre moment donné, on cherche un message, un symptôme, un signal. Le fait de calculer et de voir le 1 peut, à un moment donné, déclencher chez la personne une recherche qui va être suffisamment énergisée pour qu'elle comprenne quelque chose. Et elle pourra dire, c'est ça que ça voulait dire. Mais ça, c'est faux. L'énergie placée dans la recherche amène la compréhension. Et le désir de comprendre, disons, le fait que l'heure soit toujours la même, lorsqu'elle regarde, justement, a amené la personne à canaliser ses énergies de façon à comprendre quelque chose qui n'a aucun rapport avec ça. Et ça, on appelle ça un courant, disons, en termes bouddhiques. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Il n'y a rien à comprendre dans ce fait même. Il y a des raisons tout à fait astrales de ce mécanisme, c'est-à-dire que la personne perçoit régulièrement tout ce qui se passe à l'extérieur d'elle, mais dans sa programmation sensorielle astrale, elle fait attention à certaines choses. Un exemple, vous pouvez vous programmer et vous dire « Je me couche ce soir et demain, à 8h moins quart, je veux être réveillé. » Vous vous endormez et vous êtes capable de vous réveiller à l'heure juste que vous avez dit et même éteindre votre cadran avant qu'il sonne ou au moment où il allait sonner. Pourquoi? Parce que dans votre sommeil, dans votre nuage astral, vous êtes conscient de ce qui se passe. Donc, vous êtes programmé pour que rendu là, vous vous réveillez, et pas au cadran, au rythme de la société qui est réglé par le cadran. De cette façon, s'il y a une panne de courant, vous allez quand même vous réveiller à l'heure que vous avez décidé, malgré que sur le cadran, l'heure n'est pas écrite. Alors, si dans le sommeil, vous êtes capable, dans l'éveil, vous êtes capable, mais vous avez une programmation qui fait que chaque fois que vous levez les yeux, c'est sur cette heure-là. Mais il n'y a aucun signe autre que le fait que vous avez une programmation qui vous réveille, c'est-à-dire qui vous fait regarder votre montre à 11h11, par exemple, ou à 21h11, ou etc. Alors, ce n'est pas un message céleste ou un message évolutif. Il y a de quoi apprendre là-dedans. Le mécanisme, simplement, qui fait qu'à un moment donné, votre ami vous parle, est-ce que tu as entendu parler de... C'est pas moi, des roses de mai. Oh non, je connais pas ça. Et là, tu t'en vas et d'un coup, tu vois un fleuriste vendre spécial roses de mai. Oh, tout le mois de mai, ça a de l'allure. Et là, tu fouilles dans ta bibliothèque, tu trouves un livre et l'auteur s'appelle Rose de mai, quelque chose. Alors, tu as plein de coïncidences, il se trouve, à un moment donné, qu'on parle de tout ça, de ce que tu as parlé à la télévision, dans les journaux. Coïncidence. Simplement que tu es en contact avec l'astral et tu as connaissance de cela. Ton ami t'en parle et tu vis là-dedans. Mais il n'y a pas de symptômes particuliers de hasard divin, de solution particulière à rechercher. C'est simplement un mécanisme normal, mais dans le sens de l'astral. Peut-être moins dans le sens de la matière, dans le sens de la matière. On ne doit pas rechercher nécessairement à découvrir quelque chose par le biais de si je suis ton raisonnement, l'homme doit évoluer normalement dans le quotidien et s'il perçoit l'invisible ou l'inaudible, c'est qu'il est un récepteur adéquat pour cette forme d'énergie perçue par lui. Oui. Tu n'es pas plus évolué, tu es un récepteur adéquat à cette forme d'énergie. Tu es suffisamment intelligent pour explorer ce domaine énergétique sans vouloir le créer avant de l'explorer. C'est pour ça que vous dites que ne pas porter d'importance à ce qui est perçu, mais vous allez être capable de découvrir et de développer ce sens. Mais il ne sait rien. Donc, l'homme n'est pas plus évolué parce que c'est un qui est l'épate, l'autre peut être plus fort, lui est médecin, lui est un éboueur spécial, il trouve même une vidange cachée. On n'est pas plus évolué pour ce genre de symptômes. On est des récepteurs à certaines choses. Tout. Comment la matière visible réussit-elle à fixer l'énergie invisible? Bon, évidemment, il faut toujours partir avec l'idée que la matière visible fixe, réagit. Réussit-elle pas à fixer l'énergie invisible? Alors, la matière visible fixe ou ne fixe pas, on s'en fout. Une chose qui est certaine, c'est que ce qui est invisible existe. Et la matière visible, c'est simplement l'expression qui présentement est en harmonie avec certains de vos capteurs sensoriels. Donc, ce n'est pas parce que c'est invisible que ça ne peut pas être fixé. Ce qui est invisible est de même nature dans l'invisible matériel que ce qui est visible. Présentement, nous avons des rayons ultraviolets qui vont tendre lentement à transformer la couleur de cette nappe. Donc, ce sont des choses visibles. On peut les rendre visibles par reflet. Donc, on voit la couleur. Cela devient visible pour l'œil. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas le récepteur. Comment, par exemple, ce qui est visible capte-t-il le visible? De la même façon que l'invisible capte l'invisible et que le visible capte l'invisible. Le fait que je n'entende pas n'empêche pas un papier de vibrer lorsqu'un gros haut-parleur est à côté. Le fait que je n'entende pas n'empêche pas la vitre de mon salon de trembler lorsqu'un camion de diesel passe à côté dans la rue. Donc, même si c'est invisible ou inaudible à moi, cela n'empêche pas la matière qui est en harmonie avec cette forme d'onde de la capter. Alors, comment le visible capte-t-il l'invisible? Il le capte selon des lois qui régissent l'harmonie entre deux formes d'énergie. Plus elles sont similaires, plus elles ont tendance à devenir pareilles. Alors, ce qui fait que la matière peut absorber les vibrations, elle peut absorber la lumière, elle peut absorber des coups, elle peut absorber la chaleur, elle peut absorber des radiations, elle peut absorber des énergies mentales, des énergies astrales. Elle l'absorbe selon sa capacité d'absorber. Donc, certaines formes matérielles n'absorbent rien. D'autres formes absorbent. Et simplement parce qu'elles sont en harmonie. Quand on regarde ce verre, on le dit, c'est visible. Mais savez-vous qu'au microscope, il y a plusieurs choses invisibles qui deviennent visibles? Ce verre est bourré de choses invisibles à l'homme. Et ce verre visible, par l'intermédiaire de ce qui est invisible et qui le maintient, capte des choses invisibles. Autant que ce verre visible peut capter des choses invisibles et en les captant, il rabaisse la vibration parce qu'il doit l'amener à son énergie. Et là, elle devient visible pour l'homme. C'est le principe du radio, par exemple. C'est le principe du réflecteur. La lumière n'est pas visible. Elle doit être réfléchie par quelque chose qui abaisse son taux vibratoire de façon à l'amener en harmonie avec l'œil. L'œil le perçoit. En sont des mécanismes, donc je ne veux pas m'étendre dessus, c'est des mécanismes tout à fait physiques, tout à fait atomiques et tout à fait normales. L'invisible et le visible, c'est la même chose, sauf que dans ce qui est visible, ou disons, dans ce qui est invisible, nous percevons certaines tranches que nous appelons visibles. Mais il n'y a pas de différence entre les tranches que nous ne percevons pas et les tranches que nous percevons, elles travaillent de la même façon. Mais l'homme perçoit certaines tranches, c'est-à-dire que l'homme perçoit un éventail collé ensemble, et le reste, il ne le perçoit pas. C'est les mêmes choses. Il arrive parfois que l'on voit un événement avant qu'il arrive. Doit-on y attacher de l'importance? Cette vision a-t-elle pour but de nous aider ou peut-elle nous nuire? Si je vous donne une épée, est-ce que cela a pour fonction de vous aider ou de vous nuire? Si je vous donne un livre, est-ce que cela a pour fonction de vous aider ou de vous nuire? Ça n'a aucune fonction. Par contre, vous pouvez vous en servir pour vous nuire, vous pouvez vous en servir pour vous aider. Donc, si je pressens quelque chose, si j'ai la voyance d'un événement futur qui peut arriver, qui n'arrivera peut-être pas, qui pourra peut-être arriver, simplement parce que je lis dans l'astral, si j'ai cette voyance, est-ce que cela est pour m'aider ou pour me nuire? Cela est simplement que tu as perçu quelque chose. Est-ce que cela va t'aider ou te nuire? Ça dépend de toi. Mais une chose qui est certaine, on ne devrait pas attacher de l'importance à ce que nous percevons. Un homme averti en vaut deux, soit. Mais un homme diverti en vaut moins qu'un. Donc, lorsque nous avons une perception de quelque chose et que nous attachons de l'importance et que nous essayons de voir dans l'événement ce que nous avons vu, il y a absurdité. Lorsqu'à un moment donné, je perçois qu'en ouvrant une porte, je vais me faire attaquer par un immense lion en entrant quelque part. Alors si, en arrivant devant la porte, l'idée me revient, je souris, c'est amusant, parce que je n'y porte pas d'importance. Je peux écouter quand même, je peux ouvrir l'enfant, mais je décide pas de pas ouvrir pantoute ou d'aller me chercher un fusil. Donc, je ne dois pas être diverti par la salle. Un homme averti en mots deux, ça va, mais on ne doit pas porter d'importance. C'est extrêmement important, ça. Donc, on perçoit, cela va, ce n'est ni utile, ni nuisible, ce n'est rien d'autre qu'une perception de quelque chose. Et moins on connaît les mécanismes de ces choses, moins on devrait leur attacher, moins on devrait les croire. Mais là, moins l'homme connaît, plus l'homme croit. C'est l'inverse. Alors, ces perceptions, vous pouvez développer simplement le fait de percevoir. Et c'est tout. Et si la majorité des choses s'avère vraie, faites attention parce que la journée où vous allez tout mettre dans cette perception, sûre, elle va s'avérer faux. Sûre, sûre, sûre. Alors, faites bien attention. Est-ce que l'on peut être influencé à notre insu par des vibrations négatives? Lorsqu'on est influencé, c'est toujours à notre insu, par des énergies positives, supérieures ou négatives. Sinon, vous n'êtes pas influencé. Vous allez réfléchir, vous allez réagir, vous allez étudier, vous allez observer et vous allez voir que c'est correct et vous allez le faire. Mais lorsqu'on est influencé, c'est toujours à notre insu. Les énergies négatives sont attirées par ce qui est négatif. Et le fait d'attirer des énergies négatives de temps en temps nous influence, c'est-à-dire que cela crée chez nous un accord amical entre ces énergies négatives et nous nous complaisons à notre insu à vivre ce genre d'énergie que nous connaissons. La majorité des êtres humains préfèrent vivre un malheur connu que de risquer un bonheur inconnu. Parce que dans le malheur connu, il y a la sécurité. Et dans le bonheur inconnu, il y a le risque, l'insécurité. Donc, à notre insu conscient, au conscient mental, on ne veut pas souffrir mentalement, mais par contre, on veut bien rester humain et émotif. Et à l'intérieur de ça, on a des énergies négatives et des énergies positives. Alors donc, à notre insu, on cumule ces énergies, et à un moment donné, lorsque notre psychologie va manquer d'énergie, lorsque notre mental va diffuser, lorsque notre dose d'énergie vitale va diminuer, les énergies négatives vont automatiquement prendre dessus. Parce que l'énergie supérieure de l'homme, ce qui normalement vous garde calme, par exemple, va diminuer, et à un moment donné, la densification d'énergie négative que vous cumulez va prendre de dessus, et là, vous allez devenir colérique cette journée-là. Vous allez vous lever du mauvais pied. Et ça ne sert à rien de retomber dans le lit pour remettre le pied droit à terre. Quand on parle du mauvais pied, on ne parle pas du pied gauche ou du droit. Même si, à un moment donné, on a une espèce de superstition qui fait que tu places ton lit sur le bord du mur pour te lever toujours du pied droit. Bon. Mais oh, puis ça marche hein, énormément. Alors, ce qui fait que la personne va donc, à un moment donné, être assujettie à exprimer des énergies négatives. Donc, elle a été manipulée, évidemment, influencée à son insu. Le fait d'aller dans une salle et tout le monde n'aime pas ce qui se passe influence énergétiquement la personne qui ne sait pas trop quoi décider. Alors, donc, le fait de cumuler ces énergies, le fait d'en avoir en nous, et on en a tous en nous, le fait donc d'en avoir en attire et on est continuellement manipulé, influencé par des énergies autant négatives que par des énergies positives. Le fait que l'homme, à un moment donné, se lève, il est complaisant, il est patient, tout va bien, c'est qu'il est influencé par des énergies positives. La preuve de cela, vous allez quelque part où on a une chicane de famille, tout en vol, vous ne vous sentez pas bien. Vous allez dans un autre endroit, vous filez mal, un endroit où tout le monde va bien, tout le monde est jovial. D'ailleurs, on va être jovial ici prochainement. Tout le monde est jovial et vous vous ressentez remonté. On est donc influencé par ces énergies. Mais on ne devrait pas être influencé par ces énergies. On devrait être debout quand ça nous tente et assis et couché quand ça nous tente. On resterait toujours debout, évidemment. Mais on est influencé. On ne devrait pas être influencé. On devrait être capable de s'auto-énergiser continuellement pour être ce que nous croyons le mieux être. Donc, lorsque je suis atteint d'énergie négative, je suis faible, je n'ai pas de créativité, j'exprime mal les énergies créatives, donc je peux être malade, je suis colérique, je suis impatient. Donc, c'est plus intelligent d'être en forme, d'être pépé, d'être créatif, donc de bien exprimer ses énergies, d'être patient, d'être avenant, d'être efficace. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, au lieu d'attendre, au lieu de dire « Ah, mais aujourd'hui, tout va mal. » Pourquoi tout va mal? Parce que tout ne va pas comme tu avais envisagé et tu calcules, tu décides de te laisser influencer par toutes ces petites frustrations cumulées dans la journée. Mais tout va très bien, parce que ton char a parti seulement au 15e coup, mais tu avais un auto. Parce que tu as déboulé l'escalier en tombant, mais tu as un escalier, donc tu as une maison. Hein? Parce que tu es tombé dans les bras de la concierge, mais là, évidemment, ça peut être plusieurs choses. Mais enfin, l'homme voit que ça va mal parce que l'homme avait une idée de ce que ça devrait bien aller. Alors donc, ces énergies négatives, on est continuellement influencé par elles parce qu'on en génère, parce qu'on en suscite en nous et parce qu'on en attire. On en a besoin. Il est vrai, mais drôlement vrai, diaboliquement vrai, que l'homme a besoin d'être frustré pour pouvoir prendre conscience qu'il vit. Hélas. L'homme a besoin d'être perturbé, donc l'homme cumule certaines formes d'énergie négative en lui, parce que cela le rassure, parce que cela lui donne, quand il est frustré, quand il est perturbé, la vie. Il prend conscience qu'il vit. Et cette prise de conscience qu'il vit n'est pas essentielle à l'évolution, mais est essentielle à la sécurité demandée par l'ego. Ce qui fait qu'une personne malade, blessée, faible, peut soudain reprendre goût à la vie, revivre, guérir plus rapidement que n'importe quelle personne qui a une morale positive, parce qu'elle haït quelqu'un et qu'elle veut se venger. Et elle va vivre vieux et en forme, intelligent, énergisé, parce qu'elle a la haine de quelqu'un. Et les énergies négatives sont beaucoup plus efficaces pour plaire à l'ego, pour amener une santé, pour amener des choses, pour amener de l'argent, que les énergies positives, les énergies bienfaisantes. Et c'est pourquoi une personne qui se voue à Satan, aux énergies basses, a des résultats immédiats. Et la personne qui prie Dieu n'a à peu près jamais de résultats. Mais cela n'empêche pas que l'évolution de l'homme doit être placée vers des énergies supérieures. Donc, l'homme ne doit pas prendre, ne doit pas demander aux énergies supérieures de venir servir son ego. Il peut demander à Satan, mais pas aux énergies supérieures. Par contre, l'évolution de l'homme n'est pas d'assouvir l'ego. Donc, l'homme qui s'assujettit aux énergies inférieures et chaque parcelle d'humanité en conservant lui parce que cela le sécurise, parce que cela est réel, la joie est incertaine, la souffrance, on peut facilement l'avoir, la souffrance, hein? Alors on sait qu'on vit. Par contre, le bonheur, on a des difficultés à l'avoir parce qu'on ne connaît pas suffisamment le bonheur, mais on garde suffisamment d'énergie négative en nous pour connaître la puissance des énergies négatives. Alors donc, l'homme doit de toute façon se vouer à travailler avec des énergies de plus en plus vibratoires, donc positives par rapport à lui, parce que karmiquement, c'est-à-dire que écologiquement, l'homme qui génère trop d'énergie négative en lui va disparaître. Son corps physique va s'éparpiller, son corps astral, ce que nous appelons l'âme, à un moment donné, va être aussi ingurgité par des expressions négatives. Et c'est pourquoi on peut dire vendre son âme au diable. Donc, évidemment, l'homme qui a des énergies négatives doit donc faire en sorte d'éliminer ce quota d'énergie négative, mais il n'aura pas pour autant, et c'est ce que l'homme croit, tout ce qu'il demande. Il devra demander que ce qu'il recevra. Et il saura demander ce qui est intelligent pour lui. Par contre, la personne qui veut évoluer de façon à entrer en contact avec Dieu, de façon à ce que Dieu vienne la libérer de toutes ses souffrances, elle n'est pas dans un bon chemin. Elle n'y arrivera pas de toute façon. Plus elle va évoluer, plus pendant un certain temps elle va souffrir, et à un moment donné, elle ne souffrira plus, non pas parce que Dieu est venu l'aider, parce qu'elle comprend les mécanismes de la souffrance et elle pourra les contourner. Et la personne qui descend dans les énergies inférieures va avoir une vie parfaitement heureuse, parfaitement coordonnée, parce que les énergies basses sont plus proches de la matière, donc se densifient plus rapidement, donc on a le résultat plus rapidement, mais elle vivra la souffrance lorsqu'à un moment donné, ces énergies inférieures qu'elle aura manipulées seront suffisamment densifiées en elle pour la transformer et prendre possession de son état éternel d'elle. Alors évidemment, l'évolution de l'homme n'est pas de retourner en arrière dans le but d'être heureux, mais d'avancer en avant. Et de toute façon, l'homme est suffisamment inintelligent, il a suffisamment peur pour fuir. Regarde. À portée de cave. Mais est-ce que c'est automatique, ça, Daniel? À chaque idée négative que tu sors, il en rentre une. Non. Lorsque tu as une idée négative, tu exprimes quelque chose en toi. Soit que tu l'as créé toi-même, cette vibration négative, soit qu'elle t'est donnée par quelque chose d'autre. Tu as une influence. Mais le fait que tu en exprimes une, il n'en rentre pas une. Sauf que le fait que tu en exprimes une, elle s'énergise elle-même en toi, donc tu la renforces. Alors, plus tu vas émettre d'énergie négative, plus tu vas renforcer ces énergies-là en toi. Alors, c'est pas nécessaire qu'il en rentre une. Il n'en sort pas de toi. Le fait que tu l'exprimes, c'est comme si tu parles encore par la radio. L'énergie sort de l'antenne, mais la radio ne perd pas d'énergie. Donc, tu l'exprimes, tu peux dynamiser d'autres radios, les rendre négatifs ou positifs, et toi, tu fais la même chose chez toi. Donc, si tu exprimes quelque chose de bien, tu auras plus de bien.